Allez, c'est fini pour ce soir. On se retrouve dès demain. Merci encore pour cette soirée. On s'est éclaté là avec vous comme tous les soirs. Oui. 20h, 23h. Love in Fun sur Fun Radio. Laissez vos commentaires, vos messages sur la page Facebook de l'émission Love in Fun et sur Twitter. Hashtag Love in Fun. On va retrouver Mickaël No Limites. Bonsoir Mickaël. Comment ça va? Coucou. Ça va bien? En forme. Mais il est là. Bah oui, je suis là, évidemment. Je suis là. Je t'avais pas vu tout à l'heure. Ah, ouais. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, mais je suis arrivé plus tard. J'ai eu peur aujourd'hui. J'ai cru que je m'étais transformé en Carrel. T'as une gastro ce week-end? Non, pas du tout. Non, j'ai juste été au chiottes, mais comme j'avais un petit peu mal au bide, mais c'est passé après. Hein. T'avais un peu de mal à pousser alors. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, j'ai eu peur que ça saigne, tu vois, parce que le truc était un peu gros. Oh, enfin, ouais, c'est top qui prend la voix de Mickaël. C'est un très bon imitateur. On a une nouvelle machine. Regarde, toi, va dire bonjour. Bonjour. Voilà, espèce de fils de pute. Et tout ça avec sa propre voix. Voilà. Incroyable, c'est quel quand talent. Même énorme. La technique aujourd'hui, c'est exceptionnel. On peut tout faire. Tout ce qu'on peut faire. Oh, qu'est-ce qu'il est talentueux. Exactement, merci, exactement. Carrel. Bravo, bon. Toff. Et ouais, bonne soirée à vous. Bisous, à demain, ouais, tout salut. Le monde. Allez, salut. Et puis on est parti là maintenant, évidemment, en pleine forme, jusqu'à 2h. Ciao. Tous les soirs. Fun Radio. 23h, 2h. No Limit. No Limit. Mickaël. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Soyez les bienvenus sur Fun dans votre émission. Tous les soirs, du lundi au jeudi, 23h à 2h. Et puis le dimanche, évidemment, comme hier soir, de 20h à minuit. C'est vous qui faites l'émission avec nous. Comme l'occurrence, quand on sera à Noyon, c'est en Picardie, c'est dans deux semaines. Dans un petit peu moins de deux semaines. Pas dimanche prochain, dimanche d'après. On fera l'émission en direct de chez Olivier, un auditeur, un prof de maths qui sera là avec ses élèves. Et puis vous allez pouvoir venir aussi, quelques-uns. Attention, il faut que je vois avec Olivier combien de personnes on peut faire venir. On fera évidemment un jeu de piste dans Noyon et ceux qui refont la maison. Exactement, vous allez pouvoir venir. Ce sera à Noyon, en Picardie, entre autres. Donc si vous voulez venir, n'hésitez pas, on aura l'occasion évidemment d'en reparler. Kevin également, qui est avec nous, là, qu'on a eu hier soir en fin d'émission. Salut Kevin. Salut à tous. Comment ça va? Salut. Comment allez-vous? Passez une bonne journée. Bah ouais, c'est bien. Bon, très bien. Alors, on va parler de quoi, Kevin, alors? Parce que moi je suis accro aux putes. C'est vrai. Ah oui. J'avais oublié, on t'a vu hier soir en fin d'émission, il y a accro aux putes. Bon, très bien, on en parle dans quelques minutes. N'hésitez pas. Ah oui, en parlant de putes. Bon, rien à voir, mais j'ai vu que des Japonais avaient inventé un nouveau soutien-gorge qui ne se dégrafait que si la fille était amoureuse. Oui, j'adore ce concept. Bah non, justement, parce que tu verrais pas beaucoup de ça, à mon avis. Hein. Ouais, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. C'est ça. Donc j'ai mis la photo sur le Facebook, allez voir. facebook.com/mickaelofficiel. Et si vous avez envie de venir délirer sur Fun Radio, eh ben n'hésitez pas, vous êtes avec nous et on est avec vous jusqu'à 2h du mat pour parler de ce que vous voulez. Prenez votre téléphone et faites le 01 42 48 5000 ou le 02 851 4x0. Il y a Sandro qui s'occupera de tout, hein. Oui, c'est ça. Eh oui, c'est ça, évidemment, oui. Hein, évidemment, évidemment, si le téléphone fonctionne. Ça marche. Ah, ça fonctionne, bah tant mieux, bah, profitez-en. Toff, va mieux également? Plus malorin? Écoute, pour le moment, tout va bien. Très bien. Toujours pas passé, mais tout va bien. Mais on m'a dit que sur le scanner, on voyait ton piercing sur la tub. Ah ouais? Apparemment, ouais. Apparemment, on m'a fait la remarque. On dit ouais, on voit son bras Albert. Ah bon? Donc allez voir, donc il y a le scanner de Toff, le corps de Toff qui a été scanné par l'hôpital, hein. Par l'hôpital, puisqu'il a eu un petit problème et un petit calcul rénal. Je tiens à insulter ce connard, j'ai acheté un costume tout neuf pour son enterrement et ben j'étais obligé, voilà, je sais pas quoi en faire. Mais oui, on voulait connard, déjà avec Polo, on se partageait déjà son salaire et bah tout. Oui, on avait tout partagé, ce con. Oui, voilà, il meurt pas. Je suis désolé, les gars. Enfin, ça va bien venir un jour, hein, bon, on va pas s'inquiéter. Vous inquiétez pas, c'est bon, des parties remises. Donc il est en forme pour se faire de nouveaux amis. Non, mais vous êtes une ordure. Oui, c'est vrai. Voilà, de nouveaux amis qu'on appellera évidemment tout à l'heure. Et puis notre spécialiste du cinéma ricain qui est là aussi pour avec le pipeau, bien sûr, hein. Voilà, un film à aller voir en ce moment. Ouais, il y a 12 Years a Slave. Et puis il y a le film avec comment il s'appelle, avec Robert De Niro et Stallone sur la boxe, qui a l'air pas mal. Très bien. Le dernier combat. Le dernier combat. Parfait. À noter que Tarantino a perdu, on lui a volé son son scénario, donc il a annulé. Non, voilà, son bon, prochain western. Très bien. Bah, si vous voulez des petits conseils de films, n'hésitez pas. Ouais. Bon, ce soir on aura aussi du son d'Explore avec le son de Showtex à Cannonball. Je vous cale aussi le nouveau Guetta, Shut Me Down. Il y aura aussi Avicii. Je vous calerai Happy de Pharrell Williams et le nouveau Showtex We Like to Party. Tiens, au fait, est-ce que vous voulez qu'on vous passe? Vous savez que les Daft Punk ont reçu 5 Grammy Awards. Ils étaient tellement beaux, hein. Ah oui, magnifique. Derrière leur masque, bien sûr, hein, aux États-Unis avec leurs Grammy Awards. Super en forme. Ah ouais, franchement, ouais. Et puis une de ces discussions là, ça faisait longtemps qu'ils avaient plus parlé autant. Hein. Oh là. Ah bah attends, moi j'étais limite choqué, quoi. Tu vois, c'est assez violent. Donc si vous voulez qu'on écoute le son qu'ils ont fait en live, le son de Pharrell Williams justement avec Get Lucky. C'était beau. Voilà, si vous voulez qu'on vous le passe tout à l'heure, vous demandez un hashtag et Mickaël, surtout n'hésitez pas évidemment, hashtag et Mickaël sur le Twitter de l'émission et puis bah, on vous passera le son avec grand plaisir. Vous pouvez aussi réagir à l'émission avec le hashtag et Mickaël, comme je le disais. Vous pouvez envoyer un maximum de messages avec le hashtag et Mickaël pendant l'émission et puis à la fin de l'émission, on comptera tous vos tweets et on vous donnera le top 5. Tout simplement. Des messages qui sont arrivés aussi. Bonsoir à toute l'équipe. Le prince Albert de Monaco, c'est Xavier. Non, un prince Albert, c'est un piercing sur le gland. Il y a FDP sans pression qui dit yo mes couilles, tof sale enculé, va voir ta mère en fond de putain. Oh, quelle violence. Non mais c'est un message qui avait été donné par un auditeur. Quelle gentillesse pour commencer l'émission. Prince Nadia qui dit qu'est-ce qu'a eu tof, voilà je ne suis pas là un soir et il se passe plein de choses. Oh, il a eu un calcul rénal. On a mis la photo sur le Facebook de l'émission ce week-end. Il a failli décéder mais il est toujours là. Hein. C'est comme les crasses, tu vois, les mauvais gens ou la mauvaise herbe, ouais. T'arrives jamais à t'en débarrasser. Et n'est-ce pas également qui dit bonsoir toute l'équipe, c'est parti pour 3 heures de rigolade. Oui, surtout que ce soir c'est le chéri, je peux te faire cocu. Ah. Alors si vous voulez jouer, appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. On aura des nouvelles de Angel également qui avait un conseil de discipline aujourd'hui. On l'a eu hier soir dans l'émission, on devait avoir des nouvelles ce soir donc on en aura et ça c'est la bonne nouvelle. On jouera au grand jeu, virer pas virer. Virer pas virer, bah, on verra évidemment. Et puis là on va filer un netbook. Mehdi peut-être. Qui est avec nous là du 80. Salut Mehdi. Salut. Comment ça va? Salut. Ça va et vous? Très bien Mehdi. Bon alors tu vas jouer pour peut-être repartir avec un netbook, l'ordinateur portable Mehdi. Pour ça il faut que tu poses une colle et que les auditeurs ne trouvent pas. Vas-y Mehdi. Alors la colle. Vas-y. Donc, dans la famille Durand, il y a un père, une mère, 6 filles. Et chacune des filles a un frère. Combien sont-ils dans la famille? D'accord, donc dans la famille Durand, il y a un père, une mère, 6 filles, et chacune des filles a un frère. Combien sont-ils dans la famille, c'est ça? Plusieurs. Oui, c'est bien ça, Michael. Bon, très okay. Bien. Oh, Michael, t'as vu un petit peu, il s'est prêt pour un American. American, yeah, Mehdi, ok, no problem, man. Bon, pour gagner le netbook, à vous de jouer maintenant. Vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 par SMS, ou alors au 63 22 depuis la Belgique, bien entendu, ça fonctionne aussi. Et vous pouvez aussi jouer sur le Facebook. Je vous mets le post dans quelques minutes pour que vous puissiez lire le post, et puis bah, pour que vous puissiez aussi, d'ailleurs, accessoirement, y répondre. Voilà, donc, dans la famille Durand, il y a un père, une mère, 6 filles, et chacune des filles a un frère. Combien sont-ils dans la famille? On donne la réponse vers minuit, Mehdi. Si quelqu'un trouve la bonne réponse, il gagne, tu perds. Si personne ne la trouve ou qu'au contraire, quand on appelle, ça ne décroche pas, comme c'est arrivé deux fois de suite d'ailleurs, eh bien, c'est toi qui repartiras avec le netbook, Mehdi, d'accord? Ok. Allez, à tout à l'heure, Mehdi, reste avec nous surtout. Ne bouge pas de là. Ah, tiens, hé, hey, Kevin. Oui. Kevin, t'aimes bien Justin Bieber, toi? Non. Ah parce que non mais en fait il fallait absolument que je vous parle d'un truc. Il commence à prendre la tête à pas mal de monde et après sa sortie dans une boîte à putes au Brésil là. Je sais pas si vous vous souvenez il y a quelques temps, ouais. Il s'est fait arrêter la semaine dernière ivre au volant à Miami. Et là, la descente, il y a une descente. Il y a une descente en plus effectivement. Et ben les Américains ils en ont plein le cul et ils voudraient le renvoyer au Canada. Donc il y a une pétition. Non mais c'est ouf. Il y a une pétition sur le site de la Maison Blanche pour que Barack Obama lui retire son visa, wow. Et qu'il soit expulsé de nouveau au Canada parce que bah, il nuit à la sécurité du pays apparemment. Donc la pétition est pratiquement à 60 000 signatures en deux jours. Et oh. Si elle atteint les 100 000, Obama sera obligé de prendre une décision. C'est ouf. C'est dingue. Et oh, comme la bon semaine ça. Dernière avec les Jamaïcains qui pouvaient pas aller. Enfin ils avaient pas assez d'argent pour aller aux Jeux Olympiques là. Du coup grâce à nous ils ont réussi à trouver et ils ont retrouvé presque largement, le double. Largement exactement. Et ben du coup bah je vais vous poster aussi dans 5 minutes le lien pour aller signer ou pas la pétition pour renvoyer Justin Bieber aux États-Unis au donc, Canada. Dites-nous au Canada pardon. Donc virer les États-Unis. Venez nous dire si vous êtes d'accord ou pas avec les Américains au passage. Tiens voilà facebook.com/mickaël officiel. Si t'étais américain Kevin tu le renverrais dans son pays Justin Bieber ou pas? Bah oui comme une merde. Et toi Mehdi? Quelle violence. Ah oui carrément. Carrément. D'accord. Attends Yann, on a déjà deux nouvelles signatures. Ah deux nouvelles signatures. Il n'en reste plus que 39 998. Et Angel également qui va nous raconter son conseil de discipline dans quelques minutes. Angel tu le renverrais toi Justin Bieber aux États-Unis ou pas? Ouais, quasiment, ouais. Carrément, d'accord, ok. Et tour de table, Toff ? Oh, grave, moi je suis direct. Polo ? C'est deux fois même. Non, moi il me fait tellement rire avec toutes ces conneries que oui, je préfère qu'il reste aux États-Unis. T'inquiète pas, il fera les mêmes au Canada. Sandro, tu renverrais Justin Bieber au Canada J'ai pas suivi la. Oui, non, non. Bon, bah alors, oui, non. J'ai pas suivi. Bon, les Américains ils veulent renvoyer Justin Bieber au Canada parce qu'il fait trop de conneries. Bon, mais non, là, faut le laisser. Bon, bah il faut le laisser. Bon, bah appelez-nous les autres et donnez-nous vos avis. Ouais, Mehdi. Il a même vomi en spectacle, tellement il est fort. Ouais, non, mais c'est très fort. Non, mais le mec, il fait n'importe quoi, c'est clair. Bon, ben appelez-nous, on va en parler, il n'y a pas de problème. Et puis, on est au cœur d'une heure sans pub, ça, c'est la bonne nouvelle également. Je viens de vous poster le lien pour la colle là, sur le Facebook. Et dans 2-3 minutes, je vous mets aussi le lien pour aller signer la pétition pour que Justin Bieber retourne chez lui au Canada. Enfin, retourne pas, soit expulsé, ouais. En fait, tout simplement. Il y a Mathieu qui dit il fait, tu sais quoi, remettre au Canada ce gay. Ah, remettre, R-E, espace M-A-I-T-R-E. Accent circonflexe sur lui. Bien sûr aussi, parce que maître, il l'a bien écrit. Hein. Il faut remettre donc Justin Bieber au Canada. Il y a Julien qui dit j'aime la comparaison entre Toff et les mauvaises herbes, ça tue, mais c'est tellement vrai surtout. Et Alwen qui dit pour Justin Bieber, c'est la peine de mort. Oh, ouais, oh la pas violence. Tout de suite, exagérez pas non plus. Bon, allez, retour avec Kevin qui est fan de pute, d'accord. Angel qui veut nous donner des conseils sur le. L'info finale sur son conseil de discipline qui a eu lieu aujourd'hui. Et puis Mehdi avec la colle. Le temps d'écouter le son de Showtek, tiens, maintenant, tiens. Showtek avec Cannonball, la version 2014 qu'on écoute. Il est 23h11, on est au cœur d'une heure sans pub. Bienvenue sur Fun Radio, il se passe un truc enfin à la radio. Et c'est sur Fun Radio que ça se passe. Mickaël No Limit, on est tous les soirs sur Fun Radio, entre 23h et 2h. Bonne soirée tout le monde. You and I have lost our minds. Showtek sur Fun Radio au cœur d'une heure sans pub, il est 23h14, c'est Mickaël No Limit, bienvenue si vous débarquez pour la première fois. Eh ben vous êtes chez vous ici, on déconne tous les soirs jusqu'à 2h du mat avec plein de jeux et puis avec plein de conneries aussi. Hein. Avec tous vos messages que vous envoyez en direct avec le Twitter de l'émission, vous tapez @Mickaël_officiel pour m'ajouter sur Twitter. Vous m'ajoutez, je vous followerai également, hein, mais par derrière uniquement pour les filles bien sûr. Hein. Pour les mecs ce sera une petite poignée de main, mais quoi qu'il en soit, si vous me faites un, si vous me followez, eh bien je vous followerai avec plaisir. Sur le Facebook également, on est plus de 338 000 depuis tout à l'heure là, alors que l'émission n'a pas encore 6 mois. Donc merci beaucoup d'ailleurs d'être là tous les soirs de plus en plus nombreux. Tapez Mickaël officiel sur Facebook pour venir me rejoindre. Je vous avais demandé si vous alliez faire, je viens de vous mettre le post là maintenant sur le Facebook, si vous alliez faire comme les Américains, 60 000 signatures sur une pétition pour renvoyer Justin Bieber au Canada parce qu'il nuit à l'image et à la sécurité du pays. Donc du coup il y a des requins qui ont fait une pétition et à 100 000 Barack Obama va devoir prendre connaissance de cette pétition et va devoir faire un choix. Il y a Quentin qui dit Justin Bieber, même pas je le laisse passer par la case Canada, je l'envoie direct au Groenland. Sophie qui dit je sais pas s'ils voudront Justin au Canada. Non mais il est canadien donc bon il retourne dans son pays quoi. Ouais mais ils avaient réussi à s'en débarrasser, ils vont peut-être pas vouloir leur prendre. C'est vrai, il y a Romain qui dit moi je signe la pétition direct et n'est-ce pas qui dit ils sont pas sympas les Américains. Justin Bieber est pas le premier à avoir fait des conneries, c'est extrême de vouloir l'expulser. Ouais mais il est paricain. Et alors il y a Morgan qui dit aussi ou Morgan pour la colle c'est un 15. Ouais mais je vous ai mis un indice gros comme une maison. Ah enfin, oui, c'est un bel indice. C'est presque au-delà de l'indice sur le Facebook de l'émission là. Facebook.com/Mickaël officiel. Je me suis senti bon prince. Ouais, ah bah, mais tu l'es. Voilà, c'est même bon roi ce soir hein, prêt avec ça. Donc si vous voulez plus d'infos, Facebook.com/Mickaël officiel. J'en dis pas plus. On va récupérer Kevin et puis il y a un truc là, il faut absolument que vous m'expliquiez les filles. Chaque fois que je demande à des potes, à des copines quoi en l'occurrence, si elles se touchent, c'est non. Là, on va faire l'exemple. Sandro, tu te touches toi ? Non. Ah, bah, voilà. Non. Voilà, donc non, moi je fais pas ça, je suis pas un mec, j'ai pas besoin de ça, blablabla. Burk. Voilà, et là, qu'est-ce que je liste après-midi ? 7 femmes sur 10 se masturbent au moins une fois par mois. Non mais attendez, vous foutez de ma gueule ou quoi ? Donc soit mes copines me mitonnent, il y a visiblement de fortes chances, soit c'est l'étude. Hein. Donc les filles, j'aimerais que vous veniez me dire la vérité. De toute façon, Toff va poser la question directement à ses amis dans quelques minutes. Mais oui. Donc si vous on avez va des numéros. La vérité. Voilà, exactement. Si vous avez des numéros. Non mais vous êtes une ordure. Non mais on appellera dans quelques minutes. Si vous avez des numéros, n'hésitez pas, hein, des numéros de gens encore debout à sourcils et des gens aussi en forme que ça. Sur ma liste, nique ta mère. Voilà, n'hésitez pas à donner des numéros sur le mail de Toff. toph@funradio.fr. Surtout, on fera les premiers appels d'ici quelques minutes. Bon, Kevin ? Oui ? Alors, Kevin, donc toi, tu nous avais appelé hier soir en fin d'émission, mais on n'a pas eu le temps de te prendre. Oui. Du coup, nous sommes de retour. Bah oui. Alors, qu'est-ce qui t'amène ma gueule ? Bah, en fait, je suis accro au but. Mais comment ça, t'es accro au but ? C'est-à-dire, explique, rentre peut-être un petit peu plus dans le détail. Sans trop y rentrer non plus, mais un petit peu, quoi, tu vois. Juste un doigt, quoi. Ouais, voilà. Ah, je suis accro aux putes, c'est à cause de mes cousins. Non mais ouais. Ça, attends, explique-nous l'addiction aux putes. Non mais attends, juste d'abord une autre question qui reviendra un petit peu sur celle de Polo. Mais t'es accro aux putes, c'est-à-dire que tu préfères les putes parce qu'au moins tu payes et tu tires ton coup parce que t'arrives pas à draguer des meufs. Non. Alors vas-y. Moi j'ai une meuf que depuis 2 ans je suis avec elle et en fait je la trouve avec des putes. Mais parce que elle te fait rien à la maison ou comment ça se passe? Bah si, mais en fait moi c'est tous les ans, c'est que je vais en vacances à Portugal avec mes cousins. Et en fait c'était à l'âge de 13 ans, c'était ma première fois. Ils m'ont dit viens on va à la piscine, moi j'aime bien la piscine, t'as qu'on y va. Et en fait on arrive et là je vois quoi? Une petite boîte toute noire. On rentre dedans et je vois plein de filles presque. Des putes hein, donc hein. Voilà, des putes. Et moi j'étais comme un clochard en claquette, que je croyais qu'on portait à la piscine, mais non. Je le vois avec ses claquettes à la con là, pas mal. Et après, mes collègues, ils m'ont donné 20 euros, ils m'ont dit vas-y, tiens, maintenant tu peux t'en tirer une, parce que t'es encore puceau à 13 ans, moi j'aime pas ça. Alors, à 13 ans, t'es encore puceau, t'es genre. Le truc difficile. Tu sais à quel âge je l'ai fait la première fois, moi j'avais quasiment 17 là, voire même 17 peut-être, je me souviens plus. C'était à la fin des 16 ou début des 17, je me souviens plus. Eh, si tu me dis c'était une autre époque, je te mets une patate, t'as compris? Très bien, je savais qu'il valait mieux te prévenir. Donc j'ai dit, ils m'ont donné 20 euros, parce qu'au Portugal c'est 20 euros une pute pour moi. Caray, il faut d'être à l'aise. Voilà, ils m'ont payé une pute, et putain, j'ai pris la meilleure, et voilà, je l'ai tiré. Non, mais et depuis, tu fais comment pour aller trouver les autres? Parce que là, c'était un cadeau, mais après? Bah après, tous les ans, c'est en juillet qu'on part en vacances 2 mois, et tous les semaines, je vais là-bas. Ah, et tu fais comment? Genre, imaginons Toff et la pute, hein, ça me paraît pas mal. Non mais imagine, Toff et la pute, elle s'appelle Vanessa. Botard. Non mais arrête ton cinéma. Il est très mauvais. Botard. Donc imagine, hop, tu vas la voir, t'es dans le bois, dans la boîte de Boulogne. Ah d'accord, c'est là, comme dans ça. La boîte de Boulogne. Donc t'as la pute, elle est là, hop, tu vas vers elle. Bonjour mon mignon. Ouais, moi je me tire en courant. Ah, c'est pas ce genre. Non, mais là, si je vois sa gueule, je me tire en courant. Non, mais imagine, c'est Beyoncé. Hein? Bon, je la tire direct. Bon, ben voilà, alors imagine, hop, on y retourne. Donc voilà, donc tu imagines que tu parles à Beyoncé, là. Voilà, hop, t'y arrives, ça y est, c'est fait. On est dans le bois de Boulogne, tout va bien. Bonjour. Bonjour. Police. Alors. Comment ça va? Mais ça va et toi mon mignon? Ça va, qu'est-ce que tu fais tout seul à cette heure-là? Eh ben, je t'attendais mon chéri. Ah ouais, on dirait pas. Hein. Mais oui, tu veux qu'on aille derrière dans le bois? Bah si tu veux. Hein? Enculé! C'est 20 euros la pipe et 50 l'amour. Ok. Hein? C'est moins cher au Portugal, mais je te prends. Bah oui, mais on est à Paris là, hein. Qu'est-ce que tu veux? Les loyers, c'est cher. Ouais, hein. Mais je te prends quand même, t'inquiète. Ah, bah tu me prends quand même, et si tu veux me mettre par derrière, c'est 100 euros. Ok, je te prends que par devant. Ah, bah tu me prends que par devant. Allez, viens, on va dans le bois, mon loulou. C'est parti, ma bête. Ah, c'est Enculé. Combien là? C'est combien là? Ah, trop tard, je suis prise. Ah, je mets plus. Eh bah, t'as qu'à revenir tout à l'heure et tu m'en mettras deux. Eh, tu ressembles à Beyoncé. Ouais, je sais, on me l'a déjà dit. C'est bien. Bon, allez, je te laisse occuper là. Ah mais c'est tout, alors c'est comme ça que tu vas et puis c'est tout quoi. T'essayes pas de faire un truc un peu plus original. Bah en même temps c'est une pute, hein. Tu la payes, tu non, la Non mais d'accord, ok. Ouh, mais... Moi il y a un pote qui m'a dit, et ça c'est véridique, il m'a dit un jour il voulait te taper une pute, je sais plus où. Et tu sais c'est quoi, c'est la pute? Elle a dit non, je veux pas de toi. Non, ça c'est ça, après il y en a qui trient. C'est ça. Non, vous connaissez pas. Ouais, et dites-nous si vous êtes déjà fait recaler par une pute. Ça c'est quand même le pire, hein, si je puis me permettre. C'est scandaleux. Mais... Si même une prostituée ne veut pas de toi, alors que tu payes, c'est que vraiment il y a un problème. Mais moi j'ai vu un reportage sur internet, t'en as qui trient énormément. Ouais. Ah bah non, mais d'accord. Après je veux bien croire. Hein. Après les meufs, tu vois, genre sur les boulevards ou dans le bois, je sais pas comment elles font, mais j'ai vu un reportage sur les escortes et tout par internet. Déjà la meuf, elle te demande 500 euros juste pour se déplacer et venir te voir. Ah ouais. Et les meufs, ouais, elles te demandent une photo. 500 euros. 500 boules, dis donc. Mais tu restes carrément. Deux jours avec elle ou... Ah non, non, non, ah non, mais après, c'est plus de luxe. Hein. Non, non, c'est juste pour qu'elle vienne te voir. Si tu veux passer la nuit, la meuf, je crois, elle demandait 1500. Quoi ? Ah ouais, mais attends, après, mec, mais quel modèle. Me branle. Attends, mais regarde, je reprends. Vous allez, désolé, hein, mais je reprends nouveau l'exemple d'une voiture. Mais tu loues une Nissan Micra, tu vas payer 20 euros la journée. Eh, tu loues une Ferrari, tu vas payer 500 euros la demi-heure. Ouais, c'est vrai. Bah voilà. Et là, tu pourras faire comme ça. Mais la meuf, tu voyais pas son visage, mais de corps, elle était archi bonne. Ah mais oui, mais voilà, mais c'est ça, et après, il y en a plein. De toute façon, toi, il aime bien ça, les meufs avec un beau corps et avec une sale gueule. Ouais. En général, il adore. Il y a Donovan qui dit, mais oui, les mecs ne sont pas les seuls à se toucher, certaines meufs ne l'avouent pas, c'est tout. Orgasmi qui dit, parce que pour certaines, elles trouvent ça sale et n'ont pas envie de dévoiler leur vie intime. Mais c'est pas sale, au contraire. Bien mais au non, contraire, d'ailleurs. Les mains après. Mais oui. Bon, Kevin, reste avec nous. Si vous aussi, tiens, vous avez tendance à plutôt aller voir les prostituées, là, comme Kevin, venez, on va en parler. On va récupérer Angel pour nous donner des infos par rapport à hier sur son conseil de discipline. Il y a juste il y a Donna qui voulait réagir par rapport à Justin. Salut Donna. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Bon, t'appelles du 29, le Finistère. Oui, c'est ça. En de Saint-Paul-de-Lyon, comme c'est sexy. Oui. J'adore. Bon, Donna, tu vas donner ton avis par rapport à Justin Bieber. Donc du coup, toi, tu le virerais ou pas? J'ai mis le lien sur le Facebook, allez voir, hein, facebook.com/MIKLOfficiel. En tant que pas américain, si vous voulez signer quand même pour y aller. Hein. Alors, est-ce que tu le foutrais dehors des États-Unis, Justin Bieber? Bah moi, personnellement, je trouve ça dégueulasse de le foutre dehors quand même, quoi. Pourquoi? Bah parce que c'est un homme comme tout le monde, après tout. Oui, non, c'est un homme comme tout le monde, oui, mais c'est d'accord. Mais après, il y en a plein qui sont, entre guillemets, comme tout le monde. Ouais, mais tu vois, par exemple, nous, si on y va, on a droit qu'à 3 mois. Hein. Ouais, et, ouais, exactement. Et puis t'inquiète pas, ils vont se faire un plaisir de te foutre dehors. Hein. Alors que tu fous pas la merde. Bah après, les États-Unis, c'est comme ça, quoi. Ah bah oui. C'est sûr, hein. Non, mais je sais bien, après, les US, c'est comme ça, mais bon, quand même. Donc toi, tu le mettrais dehors. Tu le mettrais pas dehors. Bah non, mais après, c'est un mec qui sert à rien, donc. C'est un mec qui sert à rien. Moi, je me souviens quand on l'a reçu, on a été les premiers dans l'émission à le recevoir. Justin Bieber était encore tout petit. Ouais. On lui avait filé des chamales, des fraises tagada. Il était mignon. Content. Il avait joué à un jeu sur Xbox dans avec le la studio. Batterie, la guitare. Guitar il était content et il se la ramenait pas. Non. Et alors aujourd'hui, il dit ouais, mais c'est ma mère qui me fourgue la drogue. Alors qu'avant, sa mère, on pouvait même pas lui faire une vanne sur une meuf parce que sinon, il était derrière. Il faut pas dire. Donc ça va bizarre aujourd'hui. Les gens ils ont bien changé. Hein. Donc toi, tu le virerais pas. Très bien. Bah, donnez-nous les avis des autres. Allez voir sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/MIKLOfficiel, hein, Justin Bieber pour ceux qui ne connaissent pas. Attendez. Ah, ça va beaucoup mieux là, très bien. Bon, allez, reste avec nous, Donna. Il y aura Mehdi avec la colle dans quelques minutes. Et puis, je vous l'avais promis, les appels de Toff, les premiers de ce soir, sur le thème. Hein. Donc, en gros, est-ce que vous vous êtes déjà touché les filles, puisqu'on est tombé sur une enquête qui dit que les filles se touchent à peu près 7 fois par mois, ce qui n'est quand même pas mal du tout, hein, dans l'idée. Hein. Je crois que tu mélanges un peu. Quoi? C'est 7 sur 10 une fois par mois. 7 sur 10 une fois par mois. C'est ce que je dis? Oui, bien sûr, pardon. Je m'excuse, Mickaël, j'avais cru mal comprendre. Mais on ta bien. Gueule, chien. Voilà, c'est une bonne réponse, en effet, ouais. Allez, David Guetta maintenant, c'est Shut Me Down. I was 5 and he was 6. Le son de David Guetta sur Fun Radio au cœur d'une heure sans pub. C'était Shut Me Down. Il y a plein de messages qui arrivent. Tiens, je suis une fille et je me masturbe au moins 3 fois par semaine. Faut se faire du bien. Merci pour le Gilbert, le magnifique. C'est Dalou du 5-4. Avec plaisir. Offert par passagedudésir.fr. Voilà, Gilbert le magnifique. Les sextoys qu'on a en stock et qu'on vous offre évidemment. Notamment si vous êtes bien classé dans le top tweetos. On fera d'ailleurs un point du top tweetos d'ici quelques minutes. Il y a Black Dragon qui dit Mickaël, non, Justin est pas un homme comme tout le monde, il est rien, il ne sert à rien. C'est un avis. Justine également qui dit bonsoir, depuis que je vous écoute sur Fun, eh bien vous êtes trop fort. Merci Justine et gros bisous à toi. Et Félicia qui dit salut la bande de salopes, je vous aime putain, à ceux qui comprendront. Évidemment qu'on a compris Félicia, sois la bienvenue. Et n'oubliez pas de prévenir vos potes également, hein, qu'on est là tous les soirs sur Fun Radio, 23h-2h. On est en direct évidemment avec plein de cadeaux, avec plein de conneries à faire tous les soirs. Et puis le dimanche également de 20h à minuit comme hier soir. Pour tous ceux qui étaient là d'ailleurs, eh bien je vous embrasse. Il y a enfin un truc à écouter le soir à la radio. Et vous l'avez compris, c'est sur Fun Radio que ça se passe. Benjamin qui dit Mickaël, moi je dis que Justin Bieber doit aller en Antarctique sucer les pingouins. Et eh ben écoute, c'est une idée également. On va parler masturbation dans quelques minutes. On va récupérer Kevin avec son il préfère les putes et donc il voulait nous en parler. Mais il a bien fait, hein, d'ailleurs. Hein, c'est comme Toff, il préfère les moches. Voilà, c'est ça. Voilà. Chacun son truc, chacun son délire, effectivement. Mais avant ça, des news de Angel. Alors Angel, pour ceux qui étaient là hier soir, salut Angel. Salut toute l'équipe. Comment ça va? Ça va et toi? Bah très très bien Angel. Alors, t'appelles de Pau, on t'avait eu hier soir au téléphone puisqu'on Pau parlait des pires conneries que vous avez eu l'occasion de faire avec vos profs. Et donc du coup tu nous avais appelé pour dire qu'est-ce que t'avais fait comme connerie toi encore, dis-nous. Il y a eu ma prof qui m'avait renvoyé mon carnet sur ma table, elle me l'avait jeté quoi. Et donc je lui avais renvoyé ma trousse en pleine gueule. Exactement, et du coup tu passais en conseil de discipline aujourd'hui. Ouais. Alors, le conseil de discipline, que s'est-il passé? Allez, on y va. Je suis rentré, quoi, voilà, c'était tendu, et ils m'ont dit, donc ils ont expliqué, en fait il y avait trois parties. La première partie, ils m'ont expliqué ce que j'avais fait, donc je me suis mis devant la prof et tout. Ouais. Après la deuxième partie, ils ont jugé, la troisième, c'était la décision. Qu'est-ce qui s'est passé après? Et le directeur, il m'a laissé une chance. Oh. Non, t'as encore une chance. Ouais. Putain, t'as trop de bol, mec. Mec, c'est un truc de ouf quand même. Attends, j'avais même mis la petite musique qui fait peur. Enfin, en théorie, hein, mais bon. Et c'est une boîte à musique qui fait peur. Et il t'a laissé une chance, c'est-à-dire que tu lui as envoyé la trousse en pleine gueule du prof, et malgré tout, il te laisse une chance. Ouais, parce que bon, j'avais la moyenne, donc voilà. Mais bon, le comportement, il va falloir que je change. Ah bah oui, je te confirme. Oui, c'est clair. Ouais. Hein, ça va falloir changer. Ah, donc ça va. T'as quand même la moyenne. C'est pour ça qu'ils t'ont gardé. Ça, si t'avais des sales notes, ils t'auraient dégagé comme ah une merde. Ah oui, bah bien sûr, ça c'est une évidence. Bon bah très bien. Bon bah écoute, alors parfait, hein, Angel. Bon, je t'avoue que j'aurais préféré que tu te fasses virer comme ouais, une merde. Ouais, ça aurait été plus drôle, mais bon. Pour l'émission. Ah bah après, je suis content pour toi quand même, hein, t'inquiète. Hein. Mais bon, ça t'a servi de leçon ou pas du tout? Bof, pas trop, non. Mais mec, qu'est-ce que t'attends alors? T'attends quoi pour que ça te serve de leçon? Bah qu'il soit viré. Bah oui. Bah non, je sais pas. Tu veux que je t'en mette une? Hein, ce que t'aurais mérité, t'en veux une autre? Allez, vas-y. Allez. Voilà, et alors le pire, Toff lève la jambe. Dans ta gueule. Bon, ça t'a servi de leçon? Ouais. Bah, tu vois, c'est pas compliqué ça, les conseils de discipline. Il suffit de s'énerver. En fait, c'est ta tout. Prof, elle aurait dû te péter dessus. Bah, voilà. Exactement, je pense que ça aurait été pas mal. Si vous êtes prof, n'hésitez pas. Hein. Ouais, le principal, même le prof. Bon, Angel, passe une bonne soirée. Ouais, merci. Je peux passer une dédicace ou pas? Allez, vas-y. Je passe une dédicace à Arthur. À une seule personne, attention, te gourre pas, choisis la bonne, Angel. Je passe une dédicace à Arthur Lebrouck, mon pote de chambre, et à. Et à une seule personne, Angel. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans une personne? Est-ce que c'est la même chose que tu n'as pas compris dans Je ne dois pas frapper mon prof? Ouais. Ah d'accord, c'est en fait, il a du mal avec les règles. Ouais, là, je pense qu'il y a un problème. D'ailleurs, il en a mérité une autre. Voilà. Bon, allez, Angel, passe une bonne soirée, l'écoute de fun, et n'oubliez pas de prévenir dans le bahut qu'on est là tous les soirs de 23h à 2h. Hein. Ouais, t'inquiète. Bon, ça roule. Si allez, tu dois te faire virer, que ce soit au moins pour nous avoir fait de la pub. Bah, exactement, ouais. T'inquiète, la pub est passée. Parfait. Salut, Angel, à bientôt. Ouais, salut, merci. Salut, ciao. Salut, ciao à toi, Angel. Bon, on va faire les appels maintenant, du coup. Bah oui. Alors, ce sondage, justement, sur lequel on est tombé. Apparemment, donc, 7 femmes sur 10 se masturbent au moins une fois par mois. Mais ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Et donc, du coup, comme quand on pose la question aux filles en général, c'est mais pas du tout, c'est sale. Qu'est-ce que tu me racontes, blablabla. Du coup, on a décidé d'appeler des gens, voilà, des gens, des numéros que vous nous avez envoyés sur le mail de Toff, toph@funradio.fr, directement pour leur demander leur avis. Bah, surtout pour savoir comment ça se passe chez eux. Complètement. Donc, on y va, on appelle, c'est parti. Premier appel, c'est maintenant. Et si vous avez d'autres numéros, toph@funradio.fr, vous pouvez envoyer les numéros dès maintenant et on les appellera avant minuit, avant 2h, pardon. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonjour. Oui, voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous masturbiez. Allez vous faire foutre, bande de connard. Mais, enfin, madame. Ah oui, c'est rapide, hein, c'est-à-dire que. Ah, on n'a pas eu le temps c'est de. C'est un peu court. Sa voix, la voix d'enculé, ça va. Non, mais c'est ça. On a même pas eu le temps de creuser, dis donc. Bon, c'est pas grave, on rappelle? Bah oui. Bah oui, on va pas en rester là, ce serait dommage. On y va, c'est parti. Allez. Allez, Jean. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, j'étais en communication avec votre femme, mais je sais pas ce qui s'est passé, on a été coupé. Et alors? Ben en fait, voilà, je voulais savoir si elle se masturbait, monsieur. Vous remarquerez que le mec est plus poli. Ouais. Bon, il parle pas beaucoup, mais il est plus poli quand même. On va quand même le rappeler, hein. Oui. On sait jamais. Allez, c'est reparti. Je suis un peu déçu pour l'instant, on m'a dit qu'ils étaient chauds comme la braise, là, et... Oui, excusez-moi monsieur, je sais pas ce qui s'est passé, on a encore été coupé. Non mais si t'as des couilles, tu viens devant chez moi et je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Bah oui monsieur, mais enfin je suis un peu loin pour venir jusque devant chez vous, donc si vous pouviez m'expliquer au téléphone, ce serait plus simple. Non, ça serait bien que tu viennes devant chez moi et je vais t'expliquer ce qui se passe. Mais. Hey, gros fils de pute. Attends, tu vas bien niquer ta mère. Tu raccroches, tu me rappelles encore une fois. Je te nique ta mère, tu viens devant chez moi, je te donne mon adresse. Ok? Bah enfin, monsieur, pourquoi toute cette violence? Parce que t'as une grande gueule, là. Tu téléphones, là. Tu fais chier le monde. Pas tu du... viens casser les couilles. Mais pas du tout, monsieur. Moi, je vous appelle parce que je voulais juste savoir si votre femme se masturbait. Mais va niquer ta grand-mère, fils de pute. Ok? Mais enfin... Est-ce que ta grand-mère, elle se masturbe? À son âge, je ne pense pas, monsieur. Eh ben alors, eh ben va lui mettre un gros dos dans la chatte et va niquer ta mère aussi, gros bâtard. Va. Maintenant, si t'as des couilles, tu viens devant chez moi et je te plie en deux, bâtard. Va. C'est de fils de pute, va. Mais enfin, monsieur, toute cette violence ne sert à rien. Ah, il a raccroché, c'est dommage. J'adore. On le remet parce qu'il a eu, il a mis un petit peu de temps à chauffer, hein. Quel enfin, à démarrer plutôt là. Quel bon, talent. On va le rappeler, on va ah le rappeler. Bah oui, une, un petit dernier une dernière, c'est moi qui régale. J'en ai un foot, c'est moi qui paye. Allez, c'est parti. Voilà, je le dis à Fun, c'est moi qui paye la communication. Excusez-moi, monsieur, mais je ne comprends pas pourquoi vous êtes énervé comme ça. T'habites où? Dis-moi, t'habites où, bâtard? Moi, je suis à Paris, monsieur. T'habites à Paris? Oui, monsieur. Moi, je te donne mon adresse maintenant, gros fils de pute. Viens, pourquoi je t'explose ta race, ok? Fais ton gros malin, vieux fils de pute de Parisien. Moi. Non, mais monsieur, un peu de calme, enfin... Je comprends pas pourquoi vous énervez. Vous me dites juste si votre femme se masturbe ou pas, point. On va passer... Ouais, tu vas voir si elle se masturbe, fils de pute. Mais donc, elle se masturbe, alors? Ouais, c'est ta mère qui se masturbe. Espèce de bâtard. Mais enfin, monsieur, un petit peu de calme. Nique ta grand-mère. Maintenant, je vais mettre en silence, tu pourras t'appeler... Tant que tu veux pendant la nuit, je m'en bats les couilles, espèce de gamin. Va. Ah, donc si vous en battez les couilles, c'est que vous masturbez par contre? Bien sûr, je me masturbe sur ta mère, je me masturbe sur ta grand-mère et je les arrose. Espèce de bâtard. Oh là, la fin est magistrale. Hein. Ah, le troisième et quatrième appel était magistral. Oh, putain. Quelle violence. Waouh. Mais tu as remarqué qu'il était très calme au début, très correct, très poli. Ah ouais. J'ai envoyé Dexter le stagiaire découper l'appel parce que je pense qu'on peut se le remettre en best-of de temps en temps. Il va être pas mal lui. En termes de messages de bienvenue, je pense qu'on en a quelques-uns des petits nouveaux qui viennent d'arriver là. Je les arrose, j'adore. C'est dans ma collection. Dieu. J'ai une collection. Ouais, mais il est pas mal. Il y a Mathieu aussi qui dit. Bon, on appellera d'autres numéros tout à l'heure. Si vous en avez des aussi chauds que ceux-là, n'hésitez pas à nous donner le numéro hein, sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Mathieu qui dit le cul. Moi, je me suis retourné en cours. J'ai été en commission éducative. Donc, si j'aurais, j'étais. Alors, bah ouais, si j'aurais si, c'est pas en rêves. Commission éducative, t'aurais dû aller, c'est en cours de français là. Non mais c'est vrai. Donc, de si français forcé. Ouais, si j'aurais jeté une trousse à la gueule, j'aurais été viré. Alors Mathieu, comment te dire? Bah, en gros, t'essayes tout simplement de nous dire que si toi t'avais jeté une trousse à la gueule, t'aurais été viré, effectivement. Non mais c'est ça, c'est jeté une trousse. Non, ouais. En fait, il nous explique que, merde, je sais plus comment il s'appelait, qui est passé tout à l'heure, il a été sauvé par ses notes et lui pas. Ah lui, bah non, lui non. Rémi, ah, c'est tu lis le... Bah, c'est pour rire, Mathieu. La faute d'orthographe, toi. Oui, voilà. Il y a Rémi qui dit qu'il se barre, Justin, et qu'il arrête de se la péter. Il faut quand même pas l'envoyer au Canada. Il faut juste qu'à 100 000 signatures, on le tabasse. Mais non, Rémi. Et Alan aussi qui dit l'histoire de Justin Bieber me fait légèrement penser au film de South Park. Au final, donc, ils vont exécuter Justin Bieber. Son sang va toucher terre et Satan et sa dame prendront le pouvoir sur terre. Il y a Jonathan qui dit oh putain, moi Bieber, je signe direct la pétition pour le jeter dans la poubelle. Bah, la pétition, elle est sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Pourquoi vous avez passé la musique de Justin Bieber? J'ai failli me tirer une balle dans chaque oreille. Ouais, mais t'inquiète pas, j'ai tiré pour toi. Il y a Mystique aussi qui dit hello toute équipe, 30 minutes de retard, mérite un coup de pelle même si je suis malade. Oui mais Mystique, j'ai pas une raison hein. c'est absolument pas une raison, voilà, du tout même la raison, elle est très très mauvaise. Bon, on va parler masturbation, on va récupérer Kevin qui préfère qui aime bien aller voir les putes tout simplement, et Kylian qui est avec nous là de Carcassonne. Bonsoir Kylian. Bonsoir, comment vas-tu? Bien, et vous? Très bien, oui, magnifiquement bien, Kylian. Alors, est-ce que tu virerais Justin Bieber? Parce que je rappelle que les Américains en ont marre de Justin Bieber et ils ont dit que bah il donnait une mauvaise image aux États-Unis. Du coup, ils veulent le renvoyer chez lui, c'est-à-dire au Canada. Et ils ont déjà fait une pétition qui, avant le début de l'émission, était à 60 000 signatures. Bah, on va aller regarder à combien on est maintenant là depuis qu'on en parle. Attends, depuis 23 heures pour voir si ça a augmenté ou pas beaucoup mais là, ou pas. Faut pas le virer, il faut faire quelque chose d'autre. Bah, il faut faire quoi? Je sais pas. Il faut faire ça. Je te sucerai le sang et tout. Ah ouais, c'est ça. Déplacer de la merde, ça sert à rien. Ah oh. Ouais, mais enfin, qu'il retourne chez lui, il est au Canada après, hein, au Canada. Bon, et Kylian, toi, tu nous appelais pour la masturbation, toi. Tu te branles combien de fois par jour ou semaine? Ah non, c'était pas pour ça. C'était pour la masturbation féminine. Ah bah très bien. Alors vas-y, explique-nous. Tu voulais dire c'est quoi? Pour au début, je pensais que la masturbation féminine, ça n'existait pas. Ouais. Et un jour, il y a une amie à moi, elle est venue. Et elle a commencé à se doter devant moi. Non. Arrête, elle est venue. Attends. Elle est rentrée chez toi, elle s'est posée sur le sofa et elle s'est mis des doigts comme ça. Non, c'est passé comme ça. Non, bah, c'est comme ça que tu veux. Elle m'a dit, bah, tu veux que je te montre après tu prends mon chemin et puis tu guides. Bah voilà, c'est ça, exactement. Oui, c'est... Et à un moment, elle sort une boulette grise. Et je lui ai dit, mais c'est quoi ça? Et elle me dit, ah, c'est normal, nous les filles, quand on s'essuie la chatte, et bah, on a des résidus de papier qui restent et ça fait des boules grises. Quoi? Oh, non, mais non, arrête, Julou. Non, mais qu'est-ce que tu racontes avec tes boulettes grises? Je voulais savoir si c'était toutes les filles ou c'était seulement elle. Je pense qu'il y en a une des filles qui s'est foutue de ta gueule, hein. Je pense. Non, mais je pense. Mais attends, reste là, on va demander aux filles. Il y a justement Lucie et Stéphanie, là, on va les prendre dans quelques minutes. Bonsoir les filles. Salut. Comment ça va? Ben, dégoûté de ce que je viens d'entendre, mais ça va. Bon, bah attends, on va en parler dans quelques minutes, Steph et Lucie, là, restez là. Ce serait ça. Oui, bah, Gilou, tu vas d'abord rester un petit peu calme. On va d'abord se présenter avec Lucie, qui appelle des Ardennes, Stéphanie, qui appelle du 95, du Val d'Oise. Donc, restez là, les filles. On va revenir avec vous, avec Kevin également, qui préfère aller voir les pubs plutôt que qu'aller voir des meufs, avec Mehdi et la colle dans quelques minutes. Et on va le faire maintenant, tiens, puisqu'on est là. Allô, Mehdi. Bah, Mickaël. Ouais. En fait, tu t'es planté, t'as marqué la réponse. Mais non, c'est un indice, Mehdi. Chut. Bon, vas-y, Mehdi. Bah, en fait, il y a un père, une mère, six filles, et chacune des filles, il y a un frère. Mais c'est quoi cet indice, là? C'est un bon indice, c'est un bon indice. Hey, j'en ai un deuxième. Est-ce que tu pourras me faire un baiser à la coque, s'il vous plaît? Voilà. Bon. Attendez, vous êtes pas sérieux, c'est foutu maintenant. Mais non, Mehdi, c'est pas foutu. Mehdi. Attends, en général, les auditeurs, ils trouvent toujours la bonne réponse. C'est juste qu'ils décrochent pas quand on les appelle, donc reste calme. Tu connais ce proverbe, ne vends pas la peau de la pute avant de t'être fait l'avoir baisé. Voilà. Mais non, grâce à vous, j'ai rien à voir. Mais arrête, Mehdi, oh là là. Ça fait deux jours de suite qu'il n'y a pas la bonne réponse, donc regarde. Tu vas te porter la poisse. Regarde, il y a Jennifer qui proposait 15 personnes dans la famille Durand, c'est pas la bonne réponse? Si. C'est 15 personnes? Ah oui, non. Voilà, oui ou non? Tu vois, même toi, tu t'y perds. Oui ou non? Non. Non, bon, il y a Alexandre qui proposait, ils sont 4 dans la famille Durand. Non, Mélissa qui proposait 14. Oh là, non. Non, bah alors il y a Enzo aussi qui dit, ils sont 10 dans la famille, car les filles n'ont pas tout, et puis on s'en fout. Voilà. Bon, bah visiblement pas. Stéphane qui proposait 15 membres dans la famille Durand. Non. Bon, tu vois, tout n'est pas perdu, Mehdi. Bon, dans la famille Durand, il y a un père, une mère, six filles et chacune des filles a un frère. Combien sont-ils dans cette famille? Si vous avez la bonne réponse, eh bien, allez-y. Vous allez vous taper « Mickaël et la réponse » au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez bien sûr aussi jouer sur le Facebook de l'émission où je vous ai mis un bel indice, n'est-ce pas, Mehdi? Ouais, exactement. Bah voilà. Donc facebook.com/mickaël officiel. Voilà, vous pouvez répondre et lire la colle également ainsi que l'indice. Mehdi, on te récupère dans quelques minutes, tu restes là? Ok. Allez, bouge pas de là, Mehdi. On va revenir aussi avec vous toutes et vous tous avec le son d'Avicii que vous avez découvert sur Fun. Bah découvert en même temps, on est avec nous qui le passons, le nouveau son d'Avicii. Donc cherchez pas ailleurs. Addicted to You, je vous le mets dans quelques minutes. Et puis il y aura aussi le chéri, je peux te faire cocu, ça va débarquer sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde, c'est la nuit sans pub qui arrive juste après ça. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Nos limites. 23h, 2h. Fun. C'est Mickaël, nos limites. Mickaël. On Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, bienvenue si vous venez de débarquer, c'est Mickaël No Limit. On est là tous les soirs dans toute la France pour nous appeler, prenez le contrôle de Fun au 01 42 48 5000. Je vous rappelle qu'on est là tous les soirs juste après Lovin Fun à partir de 23h sur Fun Radio jusqu'à 2h. Et puis tous les dimanches juste après l'Eurodance 25 avec Miko à partir de 20h sur Fun Radio. N'oubliez pas également que demain matin il y aura Bruno dans la radio à partir de 6h avec les MacBook Air à gagner toute la semaine sur Fun Radio avec la ligne anti-relou. Et puis vous pouvez le saigner également avec le remboursement de vos factures. Hein, si vous voulez vous faire rembourser, à la limite, si vous gagnez pas le MacBook Air, allez l'acheter, vous lui enverrez la facture. Pas mal. Comme ça, si vous passez pas par la porte à gauche, je passerai par l'autre porte. C'est bien aussi ça. Bon, tous les matins, 6h, 9h, donc c'est Bruno dans la radio. Et puis je vous rappelle, il y a toujours le netbook à gagner également avec la colle de Mehdi. Toutes les infos sur le Facebook, on en parlera évidemment dans quelques minutes. Facebook.com/MIKL officiel. On va se faire également le chéri, je peux te faire cocu. Ça va être très très lourd. On va jouer avec Asma dans quelques minutes. Hein. Si vous voulez jouer, n'hésitez pas. On joue ce soir, mais toutes les semaines, bien entendu, et puis on écoutera, je vous l'avais promis, le son de Avicii dans quelques minutes. Le son d'Avicii qui va débarquer sur Fun Radio comme promis. Avicii avec Addicted to You, c'est ce qui va débarquer. Et je vous calerai aussi le son de Lady Gaga. Ou encore Dimitri Vegas. Stampede sur Fun Radio. Allez hop, on est parti jusqu'à 2h du mat. Il n'y a pas de pub en plus jusqu'à 2h du mat. Donc on est en mode plus qu'à la cool. Et puis on va surtout récupérer maintenant Kylian. Toujours là Kylian? Ouais, toujours là. Bon, très bien. Alors, Kylian qui donc nous avait appelé par rapport à ce grand sujet que nous avions lancé, c'est-à-dire la masturbation féminine. On s'est rendu compte que 7 filles sur 10 se masturbent au moins une fois par mois. Et donc, du coup, ben, on voulait savoir. Parce que toutes les filles à qui je pose la question, c'est « Mais pas du tout, mais non, mais pas du tout, je ne fais absolument pas ça du tout. » Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que tu imagines ? Voilà, exactement. Ah, mais j'ai vu les réactions sur ta page. Ah, t'as vu, hein ? Apparemment, les filles, elles vont pas l'air trop d'accord avec ça. Mais bon. Voilà, mais en même temps, c'est un sujet. Nous, on l'a. Enfin, c'est un sondage sur lequel on est tombé. On l'a pas inventé pour le coup. Bon, et alors, il y a Stéphanie qui voulait réagir également là du Val d'Oise. Salut, Steph. Salut. Comment ça va? Bah, ça va, et vous? Bon, alors oui, toi, tu voulais réagir à la masturbation, mais d'abord à Kylian qui a dit que lui, il y a une fille qui était venue, qui s'est touchée devant lui et qui avait sorti une boule grise. C'est ça, Kylian? Grise. Parce que quand elle s'essuie, il y a du papier de toilette et ça reste. Ah, voilà, il y a des morceaux qui restent. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Kylian? C'est crasseuse. Oh, hein? C'est hormone crasseuse, je sais pas, mais. Ah oui, mec. Ouais, ça, mais faut lui expliquer qu'il faut pas s'enfourner le rouleau, quoi. Je sais pas ce qu'elle a fait avec, hein, mais. Bah écoute, je sais pas non plus, hein, mais. Surtout que après, elle a voulu me faire sentir. Oh, mais t'es un dégueulasse. Non, mais elle s'est foutue de ta gueule, Kylian. Fils de teuf. Attends, oui. Même moi, je fréquente pas des crados comme ça. Mais c'est ça. Oh, si. J'ai deux, trois noms à donner, là. Ça fait pas très bon. Ouais, non, si. Bon, alors, du coup, Stéphanie, tu confirmes évidemment que ça n'existe pas chez les fils, hein. Mais non, mais elle se lave pas la chenèque, c'est pas possible. Ah ouais, ça doit moi être ça. On m'a toujours dit qu'il fallait pas mettre de savon. C'est dégueulasse. Bah si, mais il faut mettre du savon, mais sans je sais pas quoi là, tu sais. Oui, pH neutre. Ouais, voilà. T'as des produits spéciaux pour l'hygiène intime. Spéciaux, Stéphanie. Des produits S, spéciaux, pluriel. Pardon, ouais. Oui, excusez-moi. Franchement, un peu de français, c'est pas mal. Que la masturbation féminine, ça existait, hein, je savais pas. Ah bah oui, mais tu pensais qu'elle faisait quoi? Tu croyais qu'il fallait avoir une bite pour le faire? Bah soit avec son homme ou soit avec un god. Ah oui, non, bah après tu peux le faire manuellement aussi, hein. Enfin manuellement, je veux dire avec les vrais doigts, pas avec un sextoy. C'est trop petit ou pas assez. Mais mec. Non, mais t'imagines si un doigt c'est trop petit, putain, il y a la majorité des mecs qui peuvent pas baiser alors. Ah mais non, mais c'est vrai. Et puis elle a 5 doigts là. Et la majorité des mecs, ils ont une petite bite, faut pas se leurrer, hein. Dans les films de boules, quand tu vois les trucs qui font la taille d'une baguette, si tu veux, ça existe pas. Toff en premier, ouais. Hein, c'est le représentant des petites bites, ouais. Pas du tout. Il y a une association. Tu mens vrai comme un âne. Arrête, Sandro, toi qui l'as déjà non, vu quand on, l'a, d'âne. Quand on l'a moulé. Non, on l'a moulé déjà plusieurs fois. Alors rappelons l'histoire, voilà. Est-ce qu'on peut avoir la musique de l'histoire? Bah bien sûr, alors évidemment, la musique de l'histoire, sans problème. Alors histoire. Donc nous avons moulé ma bite, mais comme je n'étais pas en condition avec une bombe de meuf pour faire monter la gaule, du coup c'était un peu retombé et donc elle est demi-molle dans ma version de l'histoire, parce que moi j'ai la vraie version. Mon biographe officiel. À l'époque j'étais caméraman. Voilà. J'ai filmé le truc. Donc Toff s'est lancé le défi de mouler sa bite. Donc c'était une espèce de gel. Non, un truc de silicone. On l'a plâtré, quoi. Non, c'est pas du c'est du silicone. Et donc pourquoi j'ai mis cette musique? C'est pas parce que ça va faire peur à un moment, non? Et donc on a filmé. Et donc il y avait l'espèce de tube. Donc le tube devait te mettre dans son zboob, d'accord, ouais. Donc, il est parti aux toilettes avec un film de, avec un livre de cul. Et donc soi-disant il s'astiquait. Et nous on a vu ça, on a dit mais elle est où ta bite et tout? Voilà, elle était minuscule. Et c'était un demi pénis, quoi. Bah, il faudrait qu'on essaie de retrouver pouce, des photos. C'était je pense un pouce de bite et avec le piercing. Hein. Et donc il a moulé le truc. Puis le lendemain, puisqu'on était parti à l'étranger et tout, enfin pas à l'étranger, mais on était parti. Et tout le monde a vu cette espèce de moulage qui était ridicule. Qui était ridicule. Voilà. Stéphanie, t'as jamais couché avec Toff, toi? Ah non, surtout pas. Ah non, mais ne fût-ce que pour la science, quoi. Même pas pour ça, je me dévouerais pas, je crois. Tu devrais. Un partisan du moindre effort, Stéphane. D'ailleurs, Stéphanie, hein, combien mesures-tu? Je l'ai déjà vu et revu en vrai, et franchement, il n'y a pas moyen, quoi. Oui, mais combien mesures-tu, Stéphanie? Non, mais tu m'as vu lundi, c'est bon, ça sert à rien. Oui, mais les auditeurs ne te connaissent pas. Alors, attends. Merde. C'est pas celle-là. Non, c'est l'autre. Le livre alors, dont nous a... Ah, un trop gros doigt. Stéphanie, combien mesures-tu? 1m71. Combien pèses-tu? Je sais pas. Bon, à peu près, en kilos. 50? Non, en livres. Non. D'accord, en livres, ok. Allez, combien pèses-tu en livres? 70 kilos, je sais pas. D'accord, quel est ton tour de poitrine? 95, c'est... Ah, tout est dans le sein chez Steph. Ouais. Et ouais. La taille du dernier pantalon que tu as acheté? C'est comme couille. 42. Ouais, tout est dans le nibar, ouais. Stéphanie. Ah, il y a moyen d'y aller à plusieurs. Hein. Bah oui, mais Toff peut pas dire, mais je viens quand tu veux, puisqu'elle a déjà refusé avant même qu'il termine de chiffrer les lettres. Et donc, ça, c'est quand même pas mal. Bon, Steph, attends, reste là deux secondes. Il y a également Lucie avec nous, là, des Ardennes, là. Bonsoir, Lucie. Ah, parfait, mais bonsoir, Lucie. Je t'aime, Lucie. Putain, ça, c'est pas du raccrochage à la gueule, ça, avec Lucie. Pas mal, Lucie, là, c'est bien vu, ça. C'était pas mal. Bon, c'est pas grave. Du coup, en attendant, tiens, Steph, je t'ai pas posé la question. Tu renverrais Justin Bieber au Canada, toi, ou pas? Franchement, je m'en bats les couilles royalement. Ouais, mais parce que toi, t'es partisane du moindre effort, ah, hein, ouais. Ça, c'est. Non, tu vois, t'essayes pas d'aider ton prochain, t'essayes pas d'aider les Américains à se débarrasser de leurs problèmes. Mais il sert à rien. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça sert à rien de déplacer de la merde. Mais il y a plein de messages qui sont arrivés. Il y a Louis depuis l'application Mickaël No Limit sur iPhone, iPhone, iPad et iPod que vous pouvez télécharger gratuitement sur iTunes. Justin Bieber au Canada, non, il faut l'amener en Sibérie, en pleine plaine. S'il te plaît, je peux avoir mon coup de fouet pour insulte au prof. Et coordination. Avec plaisir pour le coup de fouet, sans problème. Voilà, et on a récupéré Lucie. Dis donc, Lucie. Désolée, ça a coupé. Tu m'as raccroché à la gueule, ça, ou, ouais. Ou j'ai rêvé là? On a non, des non. Preuves hein, que t'as raccroché exprès à la gueule. Si alors, non, mais c'est parce qu'en fait j'étais en haut-parleur et du coup j'ai voulu enlever le haut-parleur, mais j'ai fait une fausse manip. Ouais, ah, ouais, d'accord, ouais, ok. Ouais. Ah, bah, très bien, bah, bravo Lucie, c'est tout ce que ça mérite, c'est ça. Voilà, je te pèle dans la tranche. Bon, alors Lucie, la masturbation féminine, on en est où avec ça là? Enfin, après, j'avoue qu'il y a beaucoup de filles qui disent que non, elles le font pas. Mais ça, c'est sûr que si, parce que c'est naturel, c'est comme vous en fait. Ah oui, non mais après il y a des filles qui ne le font pas, hein. Y a des mecs qui ne le font pas aussi, c'est ouais. Très rare, mais il y en a aussi qui ne le font pas. Mais oui, non, mais après ça existe, hein, ça c'est évident. Et toi, genre combien de fois par semaine? Par semaine, je sais pas, je dirais... Une fois toutes les deux semaines, au moins. Oh, ça va, une fois toutes les deux semaines, ça va. Rassure-moi, tu penses pas à Toff? Non. Bon, ça va. Non mais attends, mais parce que tu sais, c'est des filles qui démarrent mal quoi à ce moment-là dans la vie. Si dès 16 ans, elles commencent à se toucher en pensant à toi. Mais non, mais après t'as des couilles. Il y a des filles qui aiment les monstres. C'est oui, vrai, regarde, c'est vrai. Regarde dans tous les Disney, hein, La Belle et la Bête. Ouais. Le... Il est content. Là, il est content. Hein. Non mais regarde, ah, dans tous les Disney, c'est toujours un moche. Quasimodo, c'était un moche. Ouais, Toff, c'est des dessins animés. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, il y avait aussi Blanche-Neige et les Sept Nains. Ouais. Et les Sept Mains. Ouais. Mais là, tu vois, le jour où je trouverai l'amour, le vrai, je redeviendrai beau. Tu ne l'as pas trouvé encore? Mais non. Bon, alors mesdames, allez-y, envoyez-vous. Tentez votre chance, mais c'est à vos risques et périls. Bon, très bien. Péril. Surtout péril, effectivement. Merci Stéphanie d'être passée. Je t'en prie. Tu reviens quand tu veux, il n'y a pas de problème. Je voulais vous dire, moi je veux venir avec vous, El Patio. Viens. Steph, si tu veux, pas de problème. On sera, c'est en Picardie, hein. On sera là, c'est à Compiègne. Ce sera le 7 février et le 9 février, on fait l'émission en direct de chez un auditeur, de chez Olivier, prof de maths, qui va recevoir également tous ses élèves, qui feront l'émission avec nous donc le 9 février à Noyon. Voilà. Écoute, je te renvoie chez Sandro au standard, y a pas de problème, Steph. Ça marche. Salut, ciao à toi. Et Lucie également. Lucie, merci beaucoup d'être passée. De rien. Je te fais des bisous. Bonne soirée. Toi aussi, Lucie, avec plaisir. Gros bisous, Lucie. Ah, tiens, je t'ai pas posé la question, Lucie. Tu renverrais Justin Bieber chez lui ou pas, toi? Je m'en fous, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Là, en l'occurrence, on lui demande pas son avis. Hein. C'est les Américains qui demandent à Barack Obama de le renvoyer au Canada puisqu'il est canadien à la base, Justin Bieber. Donc, on va les vérifier puisque je rappelle. Il a fait une connerie. Autres. Il a fait quelques conneries. Ah ouais, c'est clair. C'était pas une raison pour l'expédier. C'est vrai. Non, c'est vrai. Lucie, calmons-nous. Hein, c'est le Canada. Elle est avocate. Non, mais c'est un beau pays, le Canada. On va pas l'envoyer au Groenland. Ouais, enfin. Dis à un Américain que le Canada c'est un beau pays, tu vas voir, il y a fuck Canada. Ouais, ou dans les goulags en Russie. C'est vrai, oui, ça c'est une idée là, aussi. Il serait bon, bien. Alors on a commencé l'émission, il y avait 60 000 signatures là pour expulser Justin Bieber des États-Unis vers le Canada. Il y en a combien maintenant là, tu sais ou pas? Je sais pas ce qui s'est passé, mais ils en ont perdu. Non. Si, il y en a. Ah, des gens qui seront rétractés. A priori, ouais. Donc ils ont changé d'avis. Attends, là, je rafraîchis. Ah, rafraîchis pour voir. Donc là, il y en a plus que 46 382. Non. Putain, il y en a 14 000 qui sont rétractés, donc les cons alors. Bon, très bien. Ouais, bah, Ou alors, peut-être eux, tu sais, qui font du tri sur les gens qui mettent un peu. Ou qui votent plusieurs fois, ou des trucs comme ça. C'est possible aussi, ça. Bon, merci Kylian, merci Lucie. Gros bisous à vous deux. Bisous. Ouais, bisous. Je peux pas le dit. Allez, vas-y, à une seule personne. Attention, choisis la bonne. Bon, gros bisous à mon chéri David. Très Très bien, eh ben, le message est passé, il n'y a pas de problème. Salut vous deux, à bientôt. Salut, à bientôt. Ciao. Et comme on était sur Justin Bieber, là il y a Paul avec nous de Toulouse. Salut Paul. Salut. Comment ça va? Ça va. Bon, oh là là. Alors Paul, qu'est-ce que tu ferais de Justin Bieber toi? T'as un peu la même voix que lui, hein. Moi je le fais dégager de suite. Pourquoi tu l'aimes pas? Ah non, c'est un gros con. Eh Paul, essaye de parler sans te pincer les couilles, vas-y. Ouais, salut, c'est Paul de Toulouse. Eh ben voilà, c'est mieux comme voilà, ça. Donc moi je voulais dire c'est un gros connard. Je l'aime bien. Tu sais ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de prendre Paul comme ça, le serrer et lui faire des bisous. Comme un ours. Et lui tirer les joues comme les petits enfants. Ourson. Mais pourquoi c'est un gros connard Paul? Pourquoi tu l'aimes pas? Oh, parce qu'il chante mal, c'est un PD. T'es un peu violent Paul. Paul. En plus quoi? En plus, quand il sort de là, comme le disait un auditeur, il a vomi sur scène et tout. C'est un gros crado. Ah ouais, là, pour le coup, j'avoue que c'est pas des trucs les plus classes qu'il ait fait. J'admets. Ouais, mais Lady Gaga aussi, donc... Ouais, non, mais d'accord, ok, mais après, lui, c'est juste de, pas de chance, parce qu'il se l'a ramené un peu, donc voilà, maintenant que c'est Justin Bieber, bah, oui, forcément, il prend cher. Il se l'a ramené un peu trop. Il se la ramène un petit peu trop, exactement. Je te le remets pour toi, tiens. Oh non, oh ouah, oh ouah, oh ouah, oh ouah. Allez Paul. Oh ouah. Allez Paul, c'est à toi. Allez Paul. Arrête. Allez Paul, avec moi. Vas-y Paul. Non, arrête, ça fait trop mal aux oreilles de l'entendre. Vous m'emmerdez. T'as que ça à foutre, tête de mort. Ouais, je peux refaire un remix si vous voulez. Hein. Vas-y, Paul. Tu veux que je fasse un remix? Ouais, vas-y. Ah, attends, je vais essayer parce que là, il chante beaucoup là. Et moi, je vais baiser ta mère, non? T'es une grosse salope. Vous êtes un petit connard. Tête de guiche. Ouais, ce remix, c'est peut-être un peu mieux, non? Ah oui. Ah t'as vu quand même. Enfin, tu vois, finalement il faut pas grand chose pour le remettre au goût du jour, on va dire ça comme ça. Bon ben merci Paul en tout cas d'être passé. Tu reviens quand ouais. tu veux. Ouais parce que t'avais des arguments de poids. Ah t'avais des bons arguments de poids effectivement ouais. Tu disais? Je peux faire un délit. Allez vas-y profite et il y a une seule personne. Ah hein. Justin Bieber. Ouais, bon, mais... Eh? Ah Justin Bieber. Ah non. Ah merde. Bon bah tant pis. Tu veux qu'on essaye de l'appeler au téléphone ou pas pour que tu puisses lui dire? Non. Si tu l'as et tu lui dis directement ce que tu penses de lui. Non, c'est bon. T'as peur? Merci. T'as peur de Justin Bieber? Il a peur de Justin Bieber. Il a peur de Justin Bieber. Bah si, alors on l'appelle et tu lui dis en face ce que tu penses de lui. Il comprend le français? Ouais. Bah ouais, il est canadien. Ah bah alors, vas-y. Bon alors attends une seconde, on va reprendre nos numéros au téléphone là Paul, reste avec nous, on va l'appeler dans quelques minutes là, Justin Bieber en live. Bougez pas de là, on va se faire le chéri, je peux le faire cocu aussi qui va débarquer. Et puis le son d'Avicii, hein, je vous l'avais promis, Addicted to You, c'est maintenant sur Fun. Bonne nuit tout le monde. On est au cœur de la nuit sans pub sur Fun Radio avec le son d'Avicii à l'instant, c'était Addicted to You. Il y aura Lady Gaga et Dimitri Vegas qui va passer dans quelques minutes. Et puis bah continuez à venir parler avec nous, hein. N'hésitez pas, hein. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique si vous voulez taper la discute avec nous. Il y a Cindy Kelly, enculé, ça y est j'ai les oreilles qui sont mortes, merci l'équipe de fou. Oui alors ça y est, S-A-Y-E, pas mal hein, je pense. Pas mal, hein, je pense que là on a touché Cindy, un truc. Bravo, gros bisous Cindy. Olga depuis l'application Mickaël No Limit sur... téléchargeable gratuitement hein, sur iTunes. Moi perso je voudrais qu'on l'envoie au milieu du désert d'Australie et un énorme coup de pelle aussi parce que je dois dormir mais je reste avec vous. C'est bien Olga. Mais tiens oui. Je dormais un petit tiens pour te réveiller. Voilà. Elwen aussi qui dit mes oreilles sont mortes, génial leur mix pour Nespa et Corentin qui dit il a vraiment une voix de femme. Et India qui dit j'aimerais vous voir tous à la place de Bieber et voir si vous aussi vous prendriez la grosse tête, je pense que oui. Non après ça dépend comment tu vis le truc en fait, parce que les mecs qui prennent la grosse tête et qui se rendent pas compte c'est qu'à tout moment ça peut s'arrêter. Oui. Et qui sont persuadés d'être Dieu le père et que une fois que ça y est c'est fait, que plus rien ne pourra les arrêter alors que c'est pas le cas du tout. Et lui il commence peut-être à s'en rendre compte et si c'est pas le cas ça va pas tarder. Marion qui dit 39 heures sans dormir, je veux bien qu'on m'assomme à coup de pelle. Ah bah non Marion, sinon tu vas nous quitter là, ce serait dommage, reste un petit peu avec nous. Et Aurélie qui dit trop canon le remix, continuez avec vos messages en direct sur le Twitter, hashtag Mickaël sur Twitter, sur Facebook également, venez nous rejoindre, hein, tapez Mickaël officiel et puis avant de faire le chéri je peux te faire cocu et le teubé de la télé, nous allons donc récupérer Paul. Paul. Paul. Oui. Ah t'es là, allô. J'ai cru un moment que t'étais parti. Bon, Paul donc qui n'aimait pas Justin Bieber. Et donc du coup bah, on va l'appeler en direct. Puisque il parle un peu le français. Effectivement, puisqu'il est canadien à la base, oui. Et comme on a cru que t'avais un peu peur de Justin Bieber, du coup on va l'appeler en direct. Oh j'ai pas peur, hein. Vas-y, te connais. Non bah très bien, alors une seconde, bah attends on va l'appeler. Non bouge pas. Eh, il nous fait pas honte, Paul, hein. Ouais, il nous fait pas honte, hein. Petit Paul. Bon. Je vous fais pas honte, je vous jure. Non, ben on sait jamais, on sait jamais. Alors attends une seconde. Si, essaye de parler sans l'accent. Non, je rigole. Paul, on rigole. Attends. On est des potes ou pas? C'est Polo, oui. Spatoff, m'insulte pas. Ah, mais Polo, t'es con. C'est vrai, c'est ah, vrai. Oui. T'inquiète pas. Merde, attends une seconde. Attends, bouge pas, parce que. Il faut composer le bon numéro, là. Voilà, attends, hop, j'essaye de la voir, là. Attends. Ah, merde, attends, bouge pas. Pourquoi ça raccroche à chaque fois? Message. Ah merde, attends, c'est la message. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends, pourquoi il y a un truc? Alors pourquoi c'est un truc avec la messagerie orange? C'est pas normal, là. On appelle au New United States of America, là. Je comprends pas. C'est pas ce bon numéro. Attends, c'est celui-là, là. Attends, une seconde. J'appelle. Non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Bon, alors attends une seconde, là. Bon, est-ce qu'on peut regarder au standard, là, au lieu de s'auto-masturber, là? Attends une seconde. Parce que là, apparemment, il a peut-être changé de numéro, le Justin Bieber. Merde, on aurait l'air con, là. Attends une seconde. Bah oui, ça serait con. Bah oui. Your call cannot be completed as dialed. Alors, attends une seconde. Apparemment, on a un autre numéro. Là, attends, bouge pas, on appelle. Attends. Ah! Ah! Yes, hello! Allô, Justin? Yeah! Hey, it's Michael, from France! Comment ça va? Ouais, ça va! Ok, super! Hey, Justin, comment ça va avec les États-Unis là? Apparemment, ils veulent te renvoyer au Canada! Fucking c'est des connards! Ouais, non, bah, je sais bien, ouais, c'est vrai, mais bon. Bon, I'm Canadian-American. Bon, t'es en direct à la radio, en fun radio! Attends, je vais couper la musique! Ouais, non, attends. Bah, c'est pas grave, tu peux laisser, Justin. Bon. Oh putain, en plus, c'est cool, dis donc, alors, c'est il cool. Oh, yes, je kiffe ta musique, sois bien! Ouais, ouais, bon, alors, y'a Paul qui voulait te parler, bah, Paul, vas-y, Justin Bieber est là! Ouais, allô, Paul. Ouais, yeah, Paul. Je voulais te dire, j'ai un petit souci avec toi. Vomir sur scène, c'est super bien, hein, chapeau, hein. Et ensuite chanter tes musiques pourrave comme ça, c'est. Voilà, je te dis de suite, t'es un con. Oh, I'm shocking. Je comprends pas, pourquoi tu dis ça? Parce que j'aime pas tes musiques et je te trouve con. Oh, c'est pas gentil. Moi, je fais la musique pour te faire plaisir. Il faut que tu aimes mon disque. Il faut que tu achètes mon disque. Mais comment veux-tu que j'achète si j'aime pas? Regarde, écoute comme c'est bien. Écoute. Ah non, arrête. Tu entends, ça c'est la vraie musique. C'est moi, c'est mon c'est chanson. C'est la musique de mon puce. Voilà. Bon, ah non, je peux pas laisser dire ça. Bon, allez, Justin. Bon, allez, casse-toi, Justin. Allez, c'est bon, on va pas nous faire la soirée non plus. Salut, Justin. Hein. Oh, tu me quittes déjà. Ouais, ouais, allez, casse-toi, là. Bon, ben voilà, Paul, hein, tu lui as dit les choses, là, c'est bon, là. Ah, je suis gentil. Ah bah voilà. Et t'as quand même, tu l'as moins ouverte que tout à l'heure. Hein. Ouais, tu faisais moins le malin, hein, papa. On hein. Sent que. Mais demain, tu vas pouvoir te la ramener demain au bahut. Hein. Moi, j'ai parlé à Justin Bieber, je connais, blablabla. Bla, bla, t'as vu? Ouais, je vais me la raconter. Ouais. Ah ouais, mais tu vas te la ramener, hein, je te le dis, moi. Bon, allez, salut, Paul. Je peux faire un dédié? Allez, vas-y, il y a une seule personne, là, choisis la bonne. Ouais, je fais une dédié à toute ma famille, sauf à ma soeur. Très bien. Eh bah, écoute, le message est passé, y'a pas de problème. Paul, salut à toi, alors. T'as mis ton pyjama, là, d'une pièce, là? Ta grenouillère, la chemise à carreaux, avec les boutons. Salut, viens de Paul. Bander, Popol. Allez, ciao à toi, Paul. Et n'oublie bisous. Pas de dire à ton bahut qu'on est là tous les soirs sur Fun. Hein. Ok, bah t'inquiète pas, j'y mangerai pas. Bon, ça roule. Salut, Paul. Ciao à toi. Un message de bienvenue, j'en ai jamais eu. Ah bah t'inquiète pas, on en a des nouveaux là. Attends, je vais t'en mettre un bon, tu vas voir. Regarde. Je m'assure sur ta mère, je m'assure sur ta grand-mère et je les arrose. Voilà. Allez, merci. Ah bah je t'en prie, Paul. Passe une bonne soirée. Merci. À bientôt. Ciao à toi. On va faire les teubés de la télé dans quelques minutes. Avant ça, on remet le couvert une dernière fois avec la colle. On l'a pas fait beaucoup ce soir, la colle, donc on va le refaire une dernière fois. Il y a un putain d'indice sur le Facebook à aller voir. Facebook.com/ Et Mickaël officiel, n'est-ce pas Mehdi? Oui. Un bon indice, hein. Et Mickaël, s'il te plaît, ouais. Est-ce que tu peux faire vite? Parce que je vais aller en fait dormir, comme demain j'ai cours et je me lève à 7h. Ah bah ouais, mais Mehdi, si tu raccroches, t'as perdu, hein. Mehdi. Bon, reste encore 5 bonnes minutes, Mehdi. Ça va? 5 minutes, ok, bah oui. Ah mais c'est pour gagner le netbook, hein, ce serait dommage de raccrocher. Bon. 5 minutes, Mickaël. Bon, allez, vas-y, répète la colle une dernière fois. Alors, c'est une famille, dans la famille, il y a un père, une mère. 6 filles et chacune des filles a un frère. Combien sont-ils? Voilà, si vous avez la bonne réponse, et Mickaël, suivi de la réponse au 64-900 ou au 63-22 depuis la Belgique, et vous pouvez jouer sur le Facebook de l'émission où je vous ai mis un putain d'indice, facebook.com/MIKL officiel en toute simplicité. Voilà. Mickaël, bon, on te récupère dans 5 minutes, Mehdi. Ouais, Mehdi. Pour Justin Bieber, c'est pas vraiment lui quand même. Bah si, c'est Justin Bieber, pourquoi? On l'a déjà reçu dans l'émission et tout. C'est pour ça, à l'époque, il était petit, mais il a gardé le même numéro, pourquoi? Ah bon? Parce que j'ai failli vomir quand j'ai entendu la musique, j'ai failli vomir. Mais c'est parce que comme il est canadien, il parle un peu français, c'est pour ça qu'on l'avait sympathisé la dernière. Enfin, sympathisé, quand il était venu, on en avait parlé quoi, c'est pour ça. Ouais, ok. Donc voilà, mais t'inquiète. Bon, Mehdi, reste avec nous, tu bouges pas, d'accord? Ok, ciao. Bon, allez, à tout de suite. Bon, allez, les autres, allez-y, on donne la réponse dans 5 minutes. Vous allez sur le Facebook pour gagner le netbook, facebook.com/MIKL officiel. Bon, avant de s'écouter le son de Lady Gaga avec Do What You Want, on va parler des teubés de la télé. Dans reportage, il y a la gendarmerie française qui interpelle un individu au petit matin. Enfin, presque. Il y a besoin de vous entendre et d'ailleurs, on va juste appeler le procureur. Il se prend pour qui ce procureur de merde? Vous savez pas, je vous bois mon café, je vous m'habille. Vous venez avec nous, non, on n'a pas le temps là. Vous venez avec nous, quitte à vous dans le pays, la gendarmerie. Moi, je sais où elle est la gendarmerie, faut pas me pousser non plus dès le matin, la première du matin. Là, ça fait une fois. Regardez l'heure qu'il est, il est 15h40. Bon, je vais m'habiller, je vais venir. C'est pas la peine de me réveiller à la première heure du matin, 15h40 quand même. Et c'est là que tu vois que les flics ont été cool parce que en général quand ils viennent arrêter un mec, ils débarquent à 6h. Hein. Ouais, du matin. 6h et une seconde, bam, la porte est défoncée, donc je peux te dire. Et l'autre, j'ai pas le mec de venir à la première heure du matin. Vous avez vu l'heure, il est 15h. Bon, et sinon il y a les preuves de l'amour aussi. Il y a Emilia qui nous rappelle qu'il ne faut pas savoir écrire pour faire de la télé. Ça, c'est sûr et certain. Et attendez, parce que j'ai perdu mon son. Donc là, on est bien dans la merde. Hein. Donc Emilia qui nous rappelle qu'il ne faut pas savoir écrire pour faire de la télé. Je sais pas comment on écrit aujourd'hui. Ouais. Et ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Je suis pas très forte en orthographe. En fait, quand je faisais des dictées avant, bah, j'avais des 2, 3, je sais pas, c'est déjà bien. Et voilà, je savais plus comment on écrivait aujourd'hui. Mais je sais toujours pas en fait, j'ai encore oublié. Ouais, c'est tellement difficile, oh là évidemment. Là. Et puis l'Oscar du jeu de mots le plus pourri est pour 100% Mag sur M6. Parce que dans le centre de biathlon, il y a des toilettes sans cloison avec deux lunettes pour la Russie. Okay, je trouve ça bien parce que du coup, on saute-fille à deux quoi. Oh. Ouais, voilà. Oh, quel jeu de mots pourri. Exactement. Et puis on s'en fait une petite dernière. Là maintenant, on sait pourquoi Hollande s'est séparé. Hein. Je vous le disais, madame, monsieur, une autre nouvelle triste, mais d'un autre genre. François Hollande, président français, a annoncé il y a quelques heures la fin de sa vie commune avec la journaliste Valérie Rottweiler suite à la révélation de sa présupposée liaison avec la triste Julie Guillet. Avec Julie Guillet et puis Valérie Rottweiler. Ça, c'est dans un autre pays, ça. Voilà. Oui, c'est dans un autre pays, je te le confirme. Ouais. Rottweiler, elle est là. Hein. Elle a l'air quand même plus sympa en vrai, cela dit. Ils sont forts quand même. Bon, allez, on va prendre Bruno également là maintenant avant de faire le chéri, je peux te faire cocu dans quelques instants. Bruno qui voulait réagir à Kevin. Kevin qui nous appelait parce que bah il préférait aller voir les putes que sa propre meuf. Salut Bruno Dumont. Salut. Allô. Comment va la Sarthe? Ouais, ça va, impeccable, Mika et toi? Bah très très bien, Bruno, sois le bienvenu. Merci bon, bien. Alors, on va se faire le chéri, je peux te faire cocu avec Asma dans quelques minutes. On aura la réponse avec Mehdi et Bruno. Alors, toi aussi, tu voulais réagir à Kevin, donc est-ce que toi aussi tu préfères aller voir les putes que ta propre femme? Ouais, quasiment, ouais. Affirmatif, ouais, quasiment. Non, ouais. C'est sérieux? Quasiment. Mais pour dingue, ouais, ça. Pour certains trucs, ouais, quasiment, ouais. Pourquoi? Bah si tu veux, quand tu tombes sur une femme qui à un moment donné où le sexe la dégoûte et lui se fait des hauts de cœur, il y a un moment donné où tu vas chercher ce que t'as pas chez toi, tu vas chercher ailleurs quoi. Et quitte à ce que ce soit bien fait, autant que ce soit par une professionnelle, c'est clair qu'il a raison quoi. Bon après, pourquoi tu restes avec ta meuf alors? Ah, parce que ça fait 16 ans que je suis avec elle, j'ai 3 enfants et qu'à un moment donné où tu peux pas tout placer juste pour essayer de pas faire sucer comme il faut quoi. Ouais, et puis à un moment faut bien quelqu'un pour faire le ménage quoi. Ouais, et puis après il y a aussi des mecs qui disent ouais mais moi je me fais sucer par une autre parce qu'il n'est pas question que la femme qui embrasse mes enfants me suce la bite. C'est dans Mafia Blues aussi ça. Oh, non mais voilà. Non mais attends, t'as raison, c'est sale. Non mais attends. Mais c'est pas sale. Et c'est pas trompé, sucer n'est pas trompé, rassurez-vous messieurs. N'importe quoi. Et tromper dans un autre pays, ça ne compte pas non plus. Ah bah bien sûr. Ce qui est à Vegas, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Exactement. Et ça marche pour toutes les villes du monde, hein. Vous inquiétez pas. Ce qui ne se passe pas dans la ville où vous êtes avec la meuf reste dans la ville où vous n'êtes pas avec la meuf. Exactement, c'est ça, t'as raison. Bon, et donc Bruno, ça fait combien de temps que tu vas voir les putes? Depuis tout le temps, je suis chauffeur routier, donc c'est un classique, quoi. Ah bah d'accord. Ça va avec. Et en fait, il a une pute dans chaque dépôt, en fait. Ouais, c'est dans la formation. Dans chaque département, on nous apprend ça en formation. N'importe quoi. On va décharger un peu partout. Les aires d'autoroute où il faut s'arrêter. Mais pourquoi pourquoi tu te trouves pas... déjà, pourquoi tu demandes pas à ta meuf de faire les choses mieux si t'es pas content? Non, mais ça la dégoûte. C'est un truc... Ouais. Le simple fait d'avoir un truc... ça va être des mots un peu crus, mais du sperme sur les doigts fait des hauteurs, un peu comme toi. Ah, c'est Polo ça qui a du mal à gerber d'habitude. C'est ouais. Et donc, ça casse un peu le délire, ça casse un peu le truc, quoi. Mais pourquoi tu lui mets alors, ne lui mets pas sur la gueule le truc, tu mets ça dans un chiffon. Même sur les doigts, ça la dégoûte, elle dit. Dans ses cheveux? Bah oui, dans ses cheveux, bien sûr. Ouais, dans ses cheveux, ouais. Mais en levrette, faut pas qu'elle le voie, quoi. Sinon, c'est mort. Ah ouais, d'accord, ok, à ce point-là, ouais, mais elle doit avoir une phobie du sperme alors. Ouais, mais direct, mais c'est ça. Tu la prends en levrette, tu mets un petit seau, tu sais, abordable, tu vois. Tu le mets sur son dos, et puis tu fais ton affaire et tu te vides là-dedans, et puis tu jettes le seau. Sinon, il y a un moyen plus simple auquel on n'a pas pensé, et c'est la capote, quoi. Ouais, alors à ça, elle me répond, alors avec des mots très classe et très choisi, à ça, elle me répond qu'elle aime pas la viande sous cellophane. C'est très classe, mais... Effectivement. Bah après, c'est délicat, c'est bizarre de niquer avec une capote quand t'es déjà marié, quoi. Je lui ai proposé, bah évidemment, enfin, voilà. Alors que moi, évidemment, à partir du moment où les corps sont propres, je trouve qu'il n'y a rien de sale dans le sexe. Quoi. Ah non, pas du tout. Ouais. Mais voilà, quoi, et non, et c'est rédhibitoire, et non. Alors, ah putain, non, mais après, je comprends. Je comprends, effectivement, parce que là, un problème avec ça, peut-être consulter l'autre, hein. Peut-être, éventuellement. Ouais. Peut-être qu'il y a un blocage, tu sais pas. Mais tu les trouves où tes putes? Moi, ça m'intéresse. Enfin, pas pour moi, mais. Dans des BMC. Dans quoi? Dans des BMC. C'est quoi les BMC? Les BMC, c'est les bordels militaires de campagne. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les BMC, bah, c'est simplement les fourgonnettes que tu vois arrêter. Ah, ok. Le truc où t'as le vieux matelas et où t'as 50 mecs qui sont passés avant toi. Oh, le truc. Mais non, détrompez-vous, justement. Détrompez-vous, c'est super propre. Détrompez-vous. Ah, c'est toujours... le Sofitel dans la camionnette, hein, qui vous croyez. Rigolez, vous avez toujours du sopalin qui est chiffonné après votre passage et alors mais impropre et tout. Mais waouh. Non, mais détrompez-vous. Ah bah vu comme ça, je vais aller aux putes. C'est aussi quasiment aussi hygiénique quand vous arrivez chez Génico, quoi. Vous savez, ou chez le docteur quand il tire une rame de papier sur son siège ou sur tout le monde se couche, quoi. C'est exactement la même chose. C'est dans une camionnette en bord de route. Ouais, c'est clair. Ouais. Bon, bah, grande classe. Je savais pas quoi faire après l'émission. Bah, maintenant, je sais. Et bah, voilà, très bien. Bon, bah, merci Bruno, en tout cas, d'être passé. Hein. Ok, entendez, Michael. Tu reviens quand tu veux. Salut, Kevin, entendez. Également. Je peux dire un truc? Vas-y, Kevin. Toff, c'est pas faire Justin Bieber. C'est tout. De quoi? Toff ne sait pas faire la voix de Justin Bieber. Ah, bah, c'est bien pour ça qu'il ne le fait pas, parce qu'il sait pas le faire, Justin. Kevin. Justin. Il est grillé. Ah, bah oui, non, mais c'est pour ça qu'on le fait, qu'on le fait pas faire, Justin Bieber, sinon il se ferait griller directement, Kevin, ce qui est normal en même temps. Bon. Allez, vas-y, ouais. À une seule personne, hein, Kevin. Hein. À toi. Ah bah merci. Portugais. Ah bah très bien, entre portugais, effectivement, tout à fait, t'as bien raison. Ça marche. Bon, salut Kevin. Salut. Allez, ciao à toi. Et puis on a la réponse à la colle. On fait ça juste après le son de Lady Gaga comme promis. Do what you want sur Fun Radio. Et puis on fera aussi le chéri, je peux te faire cocu. C'est Asma qui attend déjà d'ailleurs pour faire le chéri, je peux te faire cocu. On fait ça dans quelques minutes sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde, on est au cœur de la nuit sans pub. C'est Mickaël No Limit. Il y a enfin un truc à écouter le soir à la radio. Mickaël No Limit sur Fun Radio, 23h, 2h la semaine et 20h minuit tous les dimanches. Sur Fun Radio. Le son de Lady Gaga sur Fun Radio, Do What You Want. Il y aura Dimitri Vegas à suivre. Je vous calerai aussi Tony Junior. Il y aura Pharrell Williams. Et plein de sons également. Si vous voulez en choisir, n'hésitez pas. Hashtag et Mickaël, n'hésitez pas. Donc Cécile qui dit: tant que les corps sont propres, il n'y a rien de sale dans le sexe. Et tu les trouves où tes putes? Ça m'intéresse. Lol, merci Fun pour le moral remonte. Oui, c'est pas faux, Cécile. Mickaël, Justin Bieber, on le largue au-dessus de la Corée du Nord. Megumi qui dit pour la masturbation, perso, c'est tous les jours après l'émission et exclusivement en pensant à toi, Mickaël. Oh, merci Megumi, tu. Voilà quelqu'un qui a bon goût. Ouais. Rémi aussi qui dit déjà que c'est une pauvre merde, Justine, mais alors sa voix, j'hallucine. J'étais bouche bée dans mon lit en écoutant la radio, ça m'a bien fait rire. Bah, c'est le principal, Rémi. Allez, on appelle le gagnant ou la gagnante pour la colle avec Mehdi qui est toujours avec nous. Mehdi, désolé pour le retard. On y va, c'est parti, on y va, on l'appelle, d'accord? J'ai pas gagné. De quoi, Mehdi? J'ai pas gagné alors. Mais attends, je sais pas, on va voir, il t'excite, Mehdi, si là. Ça décroche. Tous les soirs, on appelle quelqu'un. Et si cette personne décroche et a la bonne réponse, il gagne. Et à ce moment-là, tu perds. Si personne ne décroche ou si la réponse est mauvaise, à ce moment-là, c'est toi qui gagne, Mehdi. Donc on y va, on appelle et on verra. Donc dans l'absolu, plus on appelle tard, plus t'as chance de gagner. Puisqu'il y a des gens qui vont dormir, qui s'endorment tout simplement. Donc on verra. Donc ne t'emballe pas, tout est encore possible. Oui, allô? Là, ça devient moins possible. Allô, bonjour, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Fun Radio. Ça va? Ah, ça va bien. Je t'appelle parce qu'il y a Mehdi qui a une colle à te poser. Comment tu t'appelles déjà, tu m'as dit? Thomas. Thomas, voilà, il y a Mehdi qui a une colle à te poser, Thomas. Oui. Vas-y, Mehdi. Alors, donc, dans la famille Durand, il y a un père, une mère, 6 filles, et chacune des filles a un frère. Combien sont-ils? 9 frères. Mehdi? Bah, c'est la bonne réponse. Oh ouais. Eh ben bravo Thomas, le netbook il est pour toi, toutes mes félicitations. T'avais trouvé tout seul ou pas? Ou grâce à mon indice? Non, j'avais même pas vu l'indice parce que j'ai vu ça en bagnole en fait. Ah d'accord, ok, donc t'as même pas vu l'indice. Non, j'ai écouté la voiture en fait. Ah d'accord, ok, très bien. Bon bah voilà Mehdi, tu vois, sans rancune, de toute façon t'auras perdu quand même. Ouais, nickel. Bon bah tant pis, hein. Bon, on va quand même te filer un pack fun, Mehdi, d'accord? Bon allez, salut Mehdi. Salut à toi, à bientôt Mehdi. Et Thomas, bravo à toi, tu retournes chez Sandro au standard. On va te filer le netbook comme promis, ok? Ah, c'est super, merci à tous. Salut à vous deux, à bientôt. Bonne soirée, salut. Ciao, bah c'est bien Mehdi. Fair play, fair play, c'est fair play. On aura Marine dans quelques minutes également de Seine-Maritime. Bonsoir Marine. Bonsoir. Comment vas-tu ma belle? Ça va et toi? Mais très bien, dis-moi, on va parler de quoi avec toi dans quelques minutes? Bah, en fait, il y a un mec qui s'est carrément foutu de ma gueule en fait. Et du coup, j'aurais voulu avoir des explications avec lui. Bon, d'accord, ok, bah Marine, reste avec nous, on va d'abord se faire le chéri, je peux te faire cocu parce qu'il y a Asma qui attend là. Bouge pas Marine, on reparle avec toi dans quelques instants. Et donc, comme je le dis depuis tout à l'heure, on a donc le chéri, je peux te faire cocu avec Asma qui est avec nous. Bonsoir Asma. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, merci et vous? Bah écoute, bonsoir, ça va plutôt l'équipe. Pas mal. Bonsoir. L'équipe te salue bien sûr avec cette voix de merde qui est la, voix, qui est la voix de Toff, bien entendu. Hein. Non mais c'est vrai, il y a un moment, faut le dire. Non, hein, les canards me l'envient. Bon, Asma, chéri, je peux te faire cocu? Oui. C'est ça. Très bien. Alors, ne fais pas comme la semaine dernière, hein. C'est pas le. Attends, c'est quoi ce qu'elle avait sorti? Le chéri, je t'ai dans le cocu. Ça, c'était drôle. Ah ouais, oui. J'ai entendu ça. Ah bah voilà. Donc, c'est bien le chéri, je peux te faire cocu, non pas le chéri, je t'ai dans le cocu, bien entendu. Bon, alors, okay. Asma, t'es avec ton mec depuis combien de temps? Un an à peu près. Ok. Comment il s'appelle? Mohamed. D'accord. Il fait quoi dans la vie? Il est chauffeur. Ah, chauffeur-livreur, enfin, camion? Ouais, c'est ça. D'accord, ok. C'est ça. Ok, ok, parfait. Bon, t'es avec lui depuis un an, c'est parfait, vous habitez ensemble? Non, pas encore, on est fiancés, mais on va bientôt se marier. Oh, on va oh et tu c'est sais que choupinou. Ça va capoter juste après, hein? Est-ce que t'es au courant c'est de ça? C'est ça. D'accord, bah si t'es au courant, alors tout va bien. Alors c'est parfait. Bon, alors on va jouer pour le casque Beats by Dre ou pour la GoPro, enfin tout simplement, tu verras bien. On y va donc, Asma, qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce qu'il a un petit truc dont il a honte, c'est genre depuis qu'il est avec toi, est-ce qu'il a perdu un peu de cheveux? Est-ce qu'il a un peu de bide? Non, est-ce que je sais pas. Il a pris du ventre. Ah, ventre à bière ou ventre à cause de la bouffe? À cause de la bouffe. Ouais, elle le nourrit trop. Bah oui, bah j'imagine bien. C'est ça. Bon. C'est ça. Depuis qu'il est avec moi, il est heureux. Bah oui, c'est ça. Mais il va plus, tu vas voir, il va vite descendre là tout de suite. Hein. Il va vite descendre. Il va dégraisser. Ah, je confirme. Bon, ah, alors. Il va devenir fou. Ah bah écoute, c'est le but en même temps, c'est le but. Bon, alors, où est-ce qu'on est repu se rencontrer, Asma, dis-moi? À la maison de retraite où je travaille là récemment. Ouais. On va dire que vous êtes un collègue à moi, infirmier. Ah pardon, j'ai cru que t'allais dire c'est un petit vieux dont je m'occupe. Ouais, c'est ça. Non, non, mais non. Je vais pas payer. Non, j'ai mieux que le collègue infirmier. Je suis plutôt le fils d'un des locataires. Voilà, pourquoi c'est mieux pas, ouais. Comme ça, c'est parce que comme ça, sinon on va travailler ensemble et tout. Alors que là, je suis juste passé, je t'ai vu, on s'est plu, je t'ai proposé de coucher avec moi un soir. Et tu m'as dit, bah écoute, faut que je demande à mon mec et tout, ça se fait pas. En plus, il y a une chambre qui est disponible là. Voilà, c'est ça. Donc là, on est au top. Il y a un vieux qui vient de clamser. Oh non, bon.

C'est Fun Radio avec Dimitri Vegas à l'instant. Je vous cale aussi le son de Tony Junior à suivre avec Track Anthem. Je vous avais promis le son de Pharrell Williams avec Happy. Il y aura un nouveau Showtech. Et puis je vous avais parlé de, du Daft Punk, la prestation qu'ils ont faite. Enfin, c'est surtout Pharrell Williams qui a essayé de faire la prestation de Pharrell Williams, des Daft Punk justement, puisqu'ils ont reçu 5 Grammy Awards hier aux États-Unis. Donc si jamais vous voulez qu'on réécoute ce morceau-là en particulier, si vous l'avez entendu, vous voulez le réécouter, ou si vous l'avez pas encore entendu, eh ben demandez un hashtag et Mickaël. Surtout, n'hésitez pas. Il y a Camille sur Twitter qui dit aussi, où est-ce qu'il est le message de Camille? Polo, comment on fait pour avoir un câlin de ta part? Est-ce qu'il faut payer? Je suis assez surpris parce que c'est la première fois qu'on me demande ça. Il se demande où elle en fume. Alors, c'est un peu comme quand il y a une bonne meuf qui va voir Tof en disant on peut coucher ensemble. Il va pas parce qu'il se dit il y a une enfume. Non, il y a une enfume, c'est ça, ça va pas arriver ça. Il se dit elle va lui voler le rein. Ouais. Un rein. Bon, et non, comme ils se sont retrouvés dans une baignoire avec des glaçons. Exactement, ouais. Exactement. Bah, envoie-moi ta photo sur polo@funradio.fr. Puis, voilà. Puis je gérerai la... Et ma secrétaire ici présente, appelée 100€, va gérer le dossier. Tout à fait. Il y a Cindy qui dit je vous kiffe, ça fait une semaine que je vous écoute, vous me vendez du rêve. Oh merci Cindy, un petit message de bienvenue peut-être. Eh ben va lui mettre un gros dos dans la chatte et va niquer ta mère aussi, gros bâtard. Voilà Cindy. Isnoki qui dit je suis en train de pleurer de rire devant mort de rire. Bon d'accord, Isnoki. Magda qui dit trop bon le mec, comment il s'est énervé avec le chéri, je peux te faire cocu. Il y a Secret qui encore qui dit Michel le coca, qu'est-ce qu'il dit? Et allez va me chercher les glaçons, les ingrédients magiques de ce jeu, c'est vrai aussi. Et Charlotte également qui dit hello toute l'équipe, j'habite San Diego, j'adore vous écouter tous les après-midi sur l'application Fun Radio. À fort Charlotte. Ah bah oui, 9h de décalage à San Diego là en Californie. 9h de décalage, ça nous fait. Ah ouais, ça nous fait une petite après-midi tranquille hein. Ah on fait le quoi, le 12 là-bas? Là on fait le 23h, ce qui nous fait 14h, 14h-17h. Oh, on est bien, on bien est bon fait. Là. Ça leur fait une bonne après-midi là. Ah bah hey, 14h-17h. Mais va niquer ta grand-mère, fils de pute. Eh ben va lui mettre un gros dos dans la chatte et va niquer ta mère aussi, gros bâtard. Bah. Alors pour finir, hein. Je me rassure sur ta mère, je me rassure sur ta grand-mère et je les arrose. Voilà, allez, 14h-17h sur la côte ouest des États-Unis et sur la côte ouest du Canada également d'ailleurs. D'ailleurs, aussi à Montréal et Québec également, où ça parle français aussi. Hein. Ouais, on est numéro 1 là-bas. Oui, ouais, bah ça marche bien. Hein. Vous êtes nombreux à écouter avec l'application et sur le site internet funradio.fr. Et donc, effectivement, je sais que les Canadiens sont un peu coincés du cul, surtout les autorités par rapport aux radios. Donc, je vous en mets une, hein, puisque là, il y a 6 heures de moins. Donc là, il est 19h, 18h50 là-bas. Alors, attention, c'est pour vous. Hein. Je me rassure sur ta mère, je me rassure sur ta grand-mère et je les arrose. Va te faire foutre, pauvre connard. Va t'en faire enculer, je te dis. Quand tu cédé, va que t'es. Voilà. Sur ma vie, je te nique ta mère. Voilà, c'est simplement pour les autorités canadiennes. Bon, Martin également qui a envoyé un petit message aussi. Première fois que je vais pouvoir écouter l'émission de A à Z. Puis-je avoir un message de bienvenue? Ah bah, Martin, oui. Eh ben, va lui mettre un gros dos dans la chatte. Et va niquer ta mère aussi, gros bâtard. Gros. Voilà, et Wendy qui dit on pourrait faire la même pétition pour renvoyer Hollande. Je sais pas, moi, chez sa mère. Ouais, t'inquiète pas, il va se renvoyer tout seul là, si ça continue comme ça. Bon, on va continuer les appels. On s'est un peu mis en retard là avec le chéri. Je peux te faire cocu qui était un petit peu plus long que prévu. On va donc appeler toujours des gens que vous nous avez, des numéros que vous nous avez envoyés hein, sur le mail de Tof, toph@funradio.fr, puisqu'on s'est rendu compte que 7 femmes sur 10 se masturbaient au moins une fois par mois. Voilà, enfin ça c'est ce qu'une étude nous dit, mais c'est pas ce qu'on sait. Bah disons que quand tu poses la question à des vraies filles en général, c'est non, surtout pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc du coup, on appelle des gens évidemment pour leur demander grâce au numéro que vous nous avez envoyé sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. On y va? Allons-y. Allez, c'est parti, premier appel maintenant et on récupérera Marine et Polix juste après. Allez. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, voilà, en fait je vous appelle parce que je voulais savoir si vous masturbiez madame. À qui ai-je l'honneur? Je m'appelle Tof madame. Tof? Oui. Et en quoi ça vous regarde? Bah c'est parce que je me posais la question et du coup je me demandais si vous masturbiez. Ah bon, et on se connaît? Non, on se connaît pas, c'est pour ça que je... Ah bon, d'accord, bon ben, vous irez voir ailleurs, d'accord? Non, vous pourriez répondre à la question madame. Ah bah oui, elle veut... Elle a pas répondu à la question, on va la rappeler hein. Oui, elle mérite parti. Qu'on la rappelle. Mais totalement, et puis on laisse jamais les gens comme ça sur le premier appel. Sauf quand... Allô? Oui, bonsoir monsieur. Ah c'est monsieur. Oui, j'étais en communication avec votre femme, on a été coupé. Oui, c'est quoi le problème? Ben en fait, je voulais savoir si votre femme se masturbait, monsieur. Ça peut te foutre. Bah c'est pour savoir, monsieur. Je t'emmerde, moi. Je vois pas le rapport, monsieur, enfin. Ah, il commençait à chauffer, malheureusement il s'est arrêté directement. Il s'est refroidi là. Bon allez hop, on remet le couvert encore un petit coup là. Je rappelle que tout à l'heure on est tombé sur quelqu'un de très charmant qui voulait enculer ta mère, ta grand-mère et arroser. Oui, excusez-moi monsieur, mais je comprends pas pourquoi vous êtes comme ça. Non, écoutez, vous êtes qui là? Moi je m'appelle Toff monsieur. Ouais. Alors donnez-moi votre numéro de téléphone que je puisse vous rappeler moi aussi. Bah si vous voulez, alors donc 01. Attendez que je note. Oui, je vous en prie monsieur. Prenez votre temps. J'enregistre la communication, ça vous dérange pas? Ah non, je vous en prie, faites comme chez vous. Ok, je fais comme chez moi. Bah vous êtes un peu chez vous en même temps. Allez-y. Donc je disais 01 42 ouais. 48 50. Donc c'est un numéro bidon? Bah non monsieur, enfin pourquoi vous dites ça? Parce que c'est un numéro bidon. Mais non monsieur, enfin il n'est pas bidon mon numéro. Il manque deux chiffres. Bah oui mais j'ai pas fini. 01 42 48 50 00. Il n'est pas bidon mon numéro. Et alors c'est quoi le but de la conversation là? Bah de savoir si votre femme se masturbe monsieur. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Bah c'est juste pour savoir monsieur. Non mais je sais pas, je vois pas ce que ça peut vous foutre. Bah c'est rien monsieur, c'est juste pour savoir, je me demandais si... La vôtre elle se masturbe. Mais je sais pas, j'en ai pas moi monsieur, donc je peux pas lui demander. C'est trop facile. Comment ça c'est trop facile? C'est trop facile. Bah non, c'est pas trop facile monsieur, vous avez une femme, donc autant demander à la vôtre. Mais je vois pas pourquoi vous m'appelez pour ça, ça vous regarde en quoi, vous nous connaissez? Non pas du tout monsieur, c'est pour ça que je me suis permis de vous appeler, si je vous connaissais, si on se connaissait j'aurais pas osé. Ouais vous auriez pas osé parce que t'es un petit con quoi, j'appelle des gens au hasard et puis je les fais chier. Ah non monsieur. C'est trop facile, trop facile. Ah non monsieur, pas de ça entre nous. Alors écoute, déplace-toi, viens à la maison. Vous m'offrez le café? Je t'offre pas que le café, je t'offre ma main dans la gueule aussi si tu meurs par ici, ouais. Ah bah non monsieur. Et moi des couilles au cul et déplace-toi, viens nous voir. Bah oui mais enfin monsieur, moi je veux bien me déplacer, mais enfin pas de violence. Pas de violence, mais tu te rends compte des propos violents que tu as toi? Mais pas du tout, je veux juste savoir si votre femme se caresse toute seule le soir. Bon écoute, si je raccroche le téléphone, si jamais tu me rappelles encore une fois, je passe à la gendarmerie, ça m'est déjà dit sur écoute directement, d'accord? Et je porte plainte. Oh non monsieur, pas de ça entre nous. On va te faire enculer maintenant, puisque tu sais pas ce que c'est que se masturber, va te faire enculer et arrête de nous faire chier, d'accord? Ah non monsieur, non. Oh, il nous promet une petite plainte. Ah. On n'a jamais eu de nouvelles d'ailleurs de la plainte de maire, c'est quoi, le juge d'application des peines? Le JAP. Et faudrait pas le rappeler. On n'a jamais eu de nouvelles. Bah peut-être, ouais. On va essayer de retrouver le numéro de téléphone. À la fin de la saison. Le Toff, il a peur, il a pas les couilles. Non, mais Toff, arrête les promesses. Soit tu vas en tôle, soit tu meurs. Mais tu peux pas nous balancer. Il y a un moment, c'est eux qui nous font des promesses, pas moi. Bah ouais, c'est bon. On va le rappeler l'occasion, le JAP là. Bon, allez hop, c'est parti. On rappelle le monsieur là pour voir. Mais oui, allons-y. Allez, c'est parti. On y va. Comme il nous a promis de nous mettre avec la gendarmerie. Allô? Oui, monsieur, je suis désolé, mais faut pas le prendre comme ça, monsieur. C'est Olivier Roux, c'est ça? Ah non, pas du tout, monsieur. Bah écoute, je suis à la gendarmerie, là, on est en train de chercher toutes tes coordonnées. D'accord. J'ai le numéro de Fun Radio, donc on est sur les coordonnées, et puis là, on va voir ce qu'on peut faire avec eux, les gars. Tu téléphones chez un flic, t'es vraiment con, toi. Ah bah oui, tout à fait, monsieur. Donc on va pas te lâcher, bonhomme. D'accord, c'est gentil, monsieur. Ça me fait plaisir. Donc on va retrouver aussi ta famille, et puis moi je vais m'amuser un petit peu avec les numéros de téléphone. D'accord. Et ben je vous souhaite bonne chance, monsieur. Voilà, je te remercie. Ben avec plaisir, monsieur. Hein, une bonne soirée. Au revoir. Merde, nous étions tombés à la police. Ah bouh! Chez un policier, merde. Oh là là. Oh, je vais retrouver ma famille. Oh, j'espère qu'ils vont te battre comme un chien. Ah, les jours de Toff sont comptés. Cette saloperie qui là, crève. Non, vraiment. Il y a Renaud qui dit vous déchirez tout. Je veux écouter la presta des Daft Punk et Pharrell Williams. Là, c'est Mehdi du 9-5. D'accord, on va la mettre. Il y a pas de problème. Et Lucas qui dit défonce tout comme chaque soir. Petit message de bienvenue, s'il vous plaît, avec plaisir. Garde ta question. Voilà, Lucas. Et le prince qui dit j'ai adoré le ta mère et ta grand-mère, je les arrose. Ah, bah oui, c'est celui-là, tiens. Ta mère, je me m'assure sur ta grand-mère et je les arrose. Voilà, la grande classe, c'était l'appel qu'on avait fait tout à l'heure. On en fera d'autres tout à l'heure avant la fin de l'émission. Si vous avez des numéros de téléphone encore à proposer à Toff, hein, de gens très gentils comme celui-là. Eh ben, va lui mettre un gros dos dans la chatte et va niquer ta mère aussi, gros bâtard. Voilà, n'hésitez pas à nous transmettre les numéros, nous on adore ça. Hein. Vous envoyez un mail directement sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Bon, Marine. Oui. Ah, elle est de retour, Marine. Très bien. Marine, 20 ans, donc, de Seine-Maritime. Oui, c'est ça. Bon, alors Marine, tu nous as dit que tu veux sortir avec un mec, mais il se fout de ta gueule, c'est ça? Non, c'est... Oh, j'ai rien compris, alors très bien. Attends, je m'en mets une, là. Voilà, hop là, ça me réveillera au passage. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, lui, en fait, il est venu me draguer et tout ça, et comment on a parlé, il me disait plein de « je t'aime » et tout. Et en fait, sa meuf est venue me parler en me disant que ça faisait 8 mois qu'ils étaient ensemble. C'est bon, ça? Non, pas pour moi, quand même. Ah si, nous, on adore, nous. Moi j'aime bien, c'est comme bah, ça. C'est triste, non, c'est triste, c'est vrai que c'est pas bien. Mais oh là c'est là triste pour toi. Après, mon Toff, il se dit qu'il peut toujours récupérer des trucs, quoi. Voilà. Et moi je pense qu'il apprend. Il m'a jamais donné d'explication et il s'est barré, quoi. Ah, il donne plus de nouvelles ? Non. Mais, c'est, mais vous c'est avez couché ensemble ou pas ? Je t'interromps. Non. Ah, d'accord, donc il a rien eu. Ah, mais il a dû se faire fracasser par sa meuf. Grave. En fait, il s'est fait griller, quoi. Ouais, bah ouais, carrément. Bah, ah, merde. Sais, il a utilisé la fameuse technique que je conseille à tout le monde : mentez-leur. Il vous ment et vous tombez toutes dans le panneau. Parce que regardez, ouais, en règle générale, les meufs s'intéressent toujours aux connards. Faut le voir avec Toff. Bien sûr. Voilà, la majorité des meufs, évidemment avec un physique relativement pas facile, voilà. s'intéressent toujours à Toff. Toujours. On a beau leur dire aux filles, c'est un connard. Il est sale. Fais attention, sale. Tu vas avoir ça, etc. Tu vas voir. Qu'est-ce qui se passe, les filles? Oui, oui, d'accord. Il a des maladies. Pas de problème. Qu'est-ce qui se passe après? Eh ben hop, c'est parti. Elles vont tester parce que en fait les meufs sont toujours, enfin les meufs, oui, avec celles en tout cas que t'as. C'est comme avec les chiens, tu sais, les chiens abandonnés. Ouais, voilà, sont toujours persuadés que elles arriveront à le faire changer, alors que non. Mais tu leur dirais, vas-y, c'est le mec parfait, il n'attend que toi, elle viendrait pas. C'est vrai. Si, parce qu'elles vont venir en disant, non. Ah bah cool, alors c'est le mec parfait, donc de toute façon quand ils arrivent ils vont y aller. Non mais voilà, parce qu'elles sont toujours persuadées qu'elles vont réussir à le changer. Alors que cette tête de con restera une tête de con. Ouais, avec le même caillou dans sa bite. Voilà, t'as déjà vu la tête de Toff ou pas, Marine? Oui. Ah, et alors? Non, c'est pas pour moi. Comment ça c'est pas pour toi? Tu sous-entends que c'est pour quelqu'un d'autre? Bah peut-être, hein, qui sait. Bon, qu'est-ce qui ne te plaît pas chez Toff? Tout. Ah, bah, tout. Non, enfin, je t'en remercie. Il y a bien très un bien. Truc qui te plaît. Attends, il va quand même voir de quoi il passe parce qu'il est un peu mazo dans sa tête. Bah, bien, enfin, moi, c'est pas pour moi, c'est pour ceux que ça intéresse. Alors, bien combien sûr, mesures-tu, Marine? Ça intéresse pas de ça sticker après. Hein. Marine, combien mesures-tu? 1m70. Combien pèses-tu? 72 kilos. Ah, oui, quand même. Quel est ton tour de poitrine? 105D. Ah, oui, mais tout est là-dedans. Ah bah tout est dans le... Attends, mais tu veux, on me rappelle... Attends. Je te sucerai le sang et tout, tu verras. C'est combien? 105D. Oh, arrête, mais... tu me fais manger. C'est les tiens ou t'as été un oui, peu aidé? Oui, c'est les miens. Ah, c'est les tiens. Est-ce que tu pourras me faire un baiser à la coque, s'il vous plaît? Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 42. Marine? Oui. Oh, tu aimes le sperme? C'est Gilou qui avait une question assez importante à te poser, donc voilà... Bon, il a un peu toujours les mêmes questions, évidemment, Gilou, mais bon, ça c'est un autre problème. Mais oui, bah c'est ça, voilà, exactement, il a toujours aussi des questions. En tant qu'historique, on va jouer tous les deux, la marraine. Mais oui, bah voilà, c'est ça, exactement. Bon, Marine, et donc quoi, tu veux qu'on appelle le mec pour essayer de remettre, bah déjà d'avoir des réponses? Pourquoi est-ce qu'il te donne plus de nouvelles? Ouais, bah ouais. Bon, alors on fait ça dans quelques minutes, reste là. Il y a Stéphanie qui dit, les meufs avec un physique pas facile s'intéressent à Toff. Merci, c'est sympa. Bah écoute Stéphanie, excuse-moi. Ouais, soit mais t'es un peu moche. Non. Soit elles ont un physique pas facile, soit elles sont complètement aveugles. Voilà, c'est juste ça en fait. Il y en a deux. Puis après il y en a deux aussi en même temps. Il y a Nini Alex qui dit. Attends, non mais surtout parce que. Il vient d'étayer tout ce qu'on dit. Non mais c'est surtout que quand tu vois la tête de Toff, il se permet. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, tu vois. C'est-à-dire qu'il se fout. Il est génial ce mec. Mais il est génial, c'est une merde. Il a failli mourir, il a pissé du sang, il a un caillou dans la bite. Voilà, tout va bien. Et il se fait attacher sur des croix en se faisant enculer par qui? Ah, il y avait longtemps. Passagedesir.fr. Voilà, c'est il ça. Il est imbutable, mec. Exactement, imbutable. Et je rappelle qu'il se fait attacher sur des vous croix connaissez dans des l'immortel, caves. C'est moi. Il se fait attacher sur des croix dans des caves avec du fil barbelé. Et il se fait enculer par des gosses barbelés. Aujourd'hui, non, ils en font pas. Je vais juste faire un point parce que je fais un point sur Toff toujours. Oui. Stéphanini qui passe son temps à le défendre. Oui. Vous êtes méchant. T'as vu le live. Mais moi aussi je l'aime. Il a surligné le truc. Il est génial. Oui, c'est ça. J'anticipais ce que Mickaël allait dire. Menteur. Rien du tout. Il y a Nini Alex qui dit alors c'est quoi la réponse de la colle parce que c'était avant minuit 30. Oui, bon, on l'a donné il y a déjà un petit bout de temps maintenant, Nini Alex. Hein. C'était 9 la réponse. Et Stéphanini qui dit je me masturbe sur ta mère, je me masturbe sur ta grand-mère et je les arrose. Je me masturbe sur ta mère, je me masturbe sur ta grand-mère et je les arrose. Voilà. C'était pour Toff évidemment. Évidemment. Bon, merci, reste avec nous Marine, on va reprendre dans quelques minutes. Il y a Polix qu'on va prendre également qui voulait réagir par rapport au pull de tout à l'heure. Et je voulais savoir si vous étiez des gratteurs, vous. Non. Non. Des gratteurs, c'est-à-dire de gratter les jeux. Non, mais tu sais, genre pour gratter essayer d'avoir des trucs, des combines pour pas payer ou avoir des trucs, des réductions, des trucs un peu pas chers. Moi, en fait, j'ai la pensée, mais après, je me dis non, ça se fait pas. Mais j'aimerais bien des fois que ça soit gratuit. Ouais, parce que je rappelle que Polo, quand il met une pièce dans la machine, il prend un chocolat et qu'il y en a deux qui tombent, il fait le tour de toute la radio. De tout Paris pour savoir à qui il doit rendre le chocolat qui est arrivé là, alors qu'il n'a pas payé pour. Et tout le monde me dit, bah garde-les. Ben non, c'est pas moi. Parce que, oh, Polo, parce que Polo est un pigeon, il faut le savoir. C'est vrai. Bon, Marine. Marine. Et en plus, t'as vu, il fait bien le pigeon. Marine. Est-ce que t'as essayé de trouver des enfumes, toi, pour genre économiser un peu d'argent, pour avoir des trucs moins chers? Non. Non, parce que j'ai quand même trouvé un mec qui pourrait. Putain, j'ai pas eu l'idée et j'en suis vénère quand même parce que franchement, j'aurais pu. Ah oui, toi tu aurais pu. Parce que bah attends, parce t'es que un peu notre mentor à tous. Bah oui. Non, le roi des gratteurs. Moi, je ne suis que le prince, apparemment, malheureusement. C'est un Chinois qui a réussi à manger 300 jours de suite gratos. Oh le bâtard. Mais à votre avis, comment est-ce qu'il a fait? Je sais pas, il a gratté une cantine ou un truc comme ça. Il bouffait chez les gens? Non. Une cantine. Marine, tu sais comment il a fait pour bouffer 300 jours gratos? Il volait dans les supermarchés. Bah, il volait dans les poubelles, non? Non. Ah, il mangeait bien, un festin et tout. Attention, il se mettait bien, le mec. Hein. Il se faisait passer pour un ambassadeur. Non. Abusé. Ah, il se mettait hyper bien. Je vous mets la question sur le Facebook. Répondez également Twitter, Facebook, facebook.com/MIKAELOfficiel ou avec le hashtag MIKAEL sur le Twitter de l'émission. Là, à votre avis, comment est-ce qu'il a fait le Chinois pour bouffer 300 jours gratos et en plus, comme un prince? Ah, il est pas un petit sandwich de merde, hein. Vraiment bien, alcool, apéro, tout le bordel, hein. Plat, midi, tout le merdier. Bon, on reparle avec toi dans un instant, Marine, reste avec nous, et puis on va se faire le son, comme promis, de Tony Junior sur Fun Radio, je vous l'avais promis, tiens, hop là, c'est parti, Tony Junior maintenant, Twerk Anthem, il y aura Daft Punk, Pharrell Williams, le live des Grammy Awards aussi qu'on va vous passer dans quelques minutes, et puis il y a Ariel qui dit, ouais, en fait c'est Terminatoff. Exactement, il ne meurt jamais. Il meurt jamais. Je suis l'immortel. Voilà, exactement, ouais. Allez, 1h02 sur Fun Radio. C'est la nuit sans pub. Et Mickaël No Limit sur Fun Radio, 23h-2h. Passez le message autour de vous. Tony Junior sur Fun Radio, Twerk Anthem. Il y aura le son de Daft Punk aussi, hein, le live des Grammy Awards avec Get Lucky. Puis je vous ai demandé comment a fait le roi des gratteurs pour bouffer 300 jours. C'est un Chinois. Il a bouffé 300 jours gratos. Je vous ai mis la question sur le Facebook. Allez y répondre. Et puis on lira les messages en direct, comme là de Quentin qui dit le Chinois est venu en France. Il a bouffé tous les chiens et chats qu'il a croisés dans la rue pendant 300 jours. Mais non, il a bien mangé comme un roi. Là, servi et tout le bordel. Hein. Cindy, et sans voler. Oui, il n'a volé personne. Il n'a volé ça, personne, c'est pas du vol. Il aurait pu voler. Il aurait pu, mais il n'a pas volé, c'est vrai. Il y a Cindy qui dit, grâce à sa femme, il a mangé gratos. Non, il y a Hugo qui dit, je suis un gratteur au McDo. Mais explique un peu ton plan là, fais tourner un petit peu quand même. Ça se fait pas, tu lis les messages de ceux qui veulent un message de bienvenue qu'à ceux qui te le disent sur Twitter et pas sur SMS, c'est Mehdi du 95. Qu'est-ce que tu racontes, Mehdi? La preuve que non, regarde. Je m'assure sur ta mère, je m'assure sur ta grand-mère et je les arrose. Voilà. Non mais attends, c'est sérieux ça quand même? Bon, alors, si vous avez des idées, donc comment il a fait le Chinois pour bouffer gratos comme ça pendant 300 jours, si vous avez une idée, on en parle et je vous explique après, évidemment. Vous envoyez vos messages sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKAELOfficiel. On fera d'autres appels avec Toff dans quelques minutes et puis on va prendre Polix maintenant là. Polix, c'est là? Oui, je suis là, oui. Très... Oh, une fille? Oui. Oh merde, je pensais que c'était un garçon. Bah, je suis agréablement surpris, c'est bien. Bon, 29 ans, t'appelles de Metz, une mécène, Polix. Oui, de mécène, oui. Exactement. Tout à fait, oui. Bon, tu voulais réagir au c'est pub, ce que Mickaël a dit. Polix. En fait, je voulais. Alors, juste attends, parce que c'est un auditeur qui nous avait appelé en début d'émission pour resituer un petit peu, pour nous dire qu'il préférait aller voir des putes plutôt que de coucher avec sa meuf. Donc, on a eu des réactions de Bruno, notamment, qui était un routier. Et donc, là, ton avis, Polix, on t'écoute. Alors, moi, je voulais dire que c'était dégueulasse d'aller voir des putes, en fait, pour un bonhomme et tout, tu vois. Alors que pour une meuf, ça l'est moins. Et oui, forcément. Et puis, je sais pas, après, est-ce qu'il peut regarder sa femme en face? Il lui a fait des enfants et tout, et puis d'aller voir des putes, je trouve ça dégueulasse, quoi. Écoute, ça l'a pas plus dérangé que ça, a priori, Bruno. Hein, donc, je pense qu'il s'en bat pas les couilles à ce niveau-là. Ouais, c'est ça, hein, c'est pour ça qu'il y va. Hein. Maintenant, est-ce que t'as plus. Oui, mais Polix. Je veux dire, je trouve ça malheureux de, après, regarder sa femme comme si de rien n'était. Peut-être qu'il la regarde plus, hein. Non, ouais, parce que c'est vrai qu'on se pose des questions comme ça, mais. Oui, bah oui, ça se trouve, il la regarde plus du tout, ouais. C'est, mais c'est clair, juste, maintenant, Polix. Mais bon, c'est malheureux, quoi, quand même. Polix. Oui. Ah elle est là. Maintenant j'ai oublié ce que j'allais dire. Ah oui voilà. Tu trouves plus emmerdant, tu sais, par rapport à regarder sa femme, tout ça, le fait d'aller voir des putes ou de tromper sa femme avec une autre meuf, genre une maîtresse officielle, enfin officielle, officieuse plutôt. Ben moi je comprends pas. Moi je crois qu'il existe encore un amour sincère et idéal qui puisse exister ouais, dans les Disney, entre un non homme et une femme. Enfin bon, c'est peut-être utopique hein, ce que je dis, mais non mais après, pas, encore, quoi. Polix. Après, je peux comprendre que qu'on n'aille pas voir ailleurs. Hein, ça, y a aucun problème avec ça. Maintenant, il était quand même avec une meuf qui était quand même relou. Hein, c'est qu'elle ne voulait rien faire, quoi. Rien. C'est-à-dire que sexuellement, même le branler, elle voulait pas le faire, quoi. Ah, non mais et elle disait, qu'est-ce qu'elle avait dit sur le sperme encore elle, en fait, ça la faisait vomir. Elle supportait pas d'avoir le sperme sur les doigts, oula, etc. Après, je peux conseiller également, c'est pour les mecs de manger des smacks, parce que du coup, après, ça. Non mais c'est vrai, quand vous allez pisser après avoir bouffé des smacks, en fait, ça sent le smacks. C'est vrai. Non mais je rigole pas, c'est véridique. Eh hey, mais je suis fan de toi et de faute. De Toff. De faute, c'est une faute. De faute. Non mais les gars, vous êtes super forts. Entre l'autre qui pisse du sang. Mais non, mais essayez. Alors, si vous avez des smacks chez vous, essayez demain, vous allez voir. Et si je peux vous conseiller, le mélange avec le lait, c'est encore plus fort au niveau de l'odeur. Donc, vous mettez donc un bol de smacks avec un peu de lait, puis après, genre une heure ou deux, ou peut-être un peu plus tard, je sais plus, vous allez pisser, ça va sentir les smacks dans les chiottes. Mais véridique. Bah ouais, mais c'est même pour les filles, hein, c'est pareil. Ah bah, bien sûr que c'est pour les filles aussi, ça marche aussi. Après, si vous avez pas de smacks, allez acheter. Mais non, je sais pas si ça marche avec le reste, hein, mais je sais qu'avec les smacks, ça sent. Mais essaye, toi, espèce de tête de con, de rigoler comme un idiot là. Moi, j'avais essayé, c'est d'ailleurs, vrai. D'ailleurs, demain, régime smacks pour tout le monde. Voilà. Tu sens ta pisse. Exactement. Et on pissera tous dans un petit bol pour sentir. Ça remonte. Non, mais oui, mais exactement. Et au petit déjeuner, tout le monde pensera à moi. Mais il faut pas sentir ta pisse. Quand t'es au chiottes, t'es en apnée. Mais non, mais je sens pas ma pisse. Mais il faut pas la sentir, c'est une odeur. Mais on la met dans un petit verre normal. Non, mais c'est Mickaël, l'odeur remonte et tu sens vraiment les smacks, c'est mais vrai. Évidemment, ça sent le smacks. Mickaël, il se met à genoux devant sa cuvette et il sent sa pisse. Ouais, le matin. Oui, bah bien sûr, c'est pour vérifier. Mais moi, au moins, j'ai pas des cailloux de merde avec des. C'est vrai. Hein, avec des rochers dans le. Oh là là, l'équipe dans l'urètre. De merde, non, mais c'est vrai, l'avion. Oh, l'équipe de Cassos. L'avion en bois de Toff. Mais oui, oui, ça c'est clair. Donc, toi, Polix, donc pas de pute, toi. Pardon ? J'y dis pas de pute. Non, moi je trouve ça. Moi déjà, mon mec, s'il me fait ça, si je la prends, même si je la prends, je pèterai un câble, quoi. Oui, bah j'imagine. C'est bon, c'est fini. Même, c'est bon, c'est même pas la peine, quoi. D'accord, ok, mais c'est ton choix, il n'y a pas de problème. Même, je peux pas comprendre, enfin, je peux pas concevoir un amour si la personne, elle te trompe déjà à la base. Non mais il est honnête parce qu'il va pas il a pas une maîtresse fixe, tu vois, voilà, il a en pas fait, de double c'est, vie. Bon alors c'est-à-dire que c'est un petit peu d'art. Comme si le mec il était fidèle à sa oui, voiture et qu'il va louer une Ferrari juste un jour. Parce qu'elle lui convient plus aussi, c'est pour non, ça. Non, il l'aime bien, il a dit qu'il est depuis 16 ans avec elle. Bon, alors, attends, parce qu'il a fait des enfants. Mais il veut se faire pomper, il veut se faire sucer. Non mais attends, regarde, parce qu'après c'est un autre exemple. C'est comme si, par exemple, t'as une voiture et qu'après, une fois par semaine, tu vas où? Tu vas chez Hertz, t'en loues une autre, tu vois, juste pour essayer. Ouais. C'est un peu ça une pute, hein, Oui, c'est ça. Le Hertz, c'est un peu la pute de la voiture. Non mais c'est vrai. Alors avis, c'est tous les autres, hein. On n'est pas dans le détail non plus, hein, mais. Et après c'est pareil, tu peux prendre de la pute de luxe ou de la pute voilà. De gamme. Voilà. Ouais, mais alors à ce moment-là, les filles, elles peuvent faire pareil. On va voir un garçon. Ah bah bien sûr. Le Hertz, c'est la pute. Non mais bien sûr, t'as raison, Polix. Qu'est-ce qu'il y a, Polo, il s'en va. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non mais mec, le Hertz, c'est la. Je suis trop vieille ou je sais pas. Mais non, t'es pas trop vieille, Polix. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a, Polo? Mais Hertz, c'est la pute de la voiture. Non mais façon de parler, parce que tu trompes ta voiture. Ouh. Et tu payes pour en avoir une autre. D'accord. Voilà, mais quand je dis hier, c'est tous les autres aussi. D'accord, d'accord. Faut pas non plus faire une. Je note. Enfin, ouais, bah, très bien. Le bon, bah, merci Polix en tout cas d'être passé. Tu reviens quand tu veux. Je vous en prie. Bonne soirée à vous et puis vive Fun Radio quoi. Bah, c'est gentil. Bah, un petit message de bienvenue. Merci, ciao. Allez, tiens. Je te mets de l'acide dans ton cul, moi. Voilà. Salut, Polix, je t'embrasse. On va récupérer Marine dans quelques minutes. Il y a plein de messages. Il y a Anthony qui dit 9 mois, c'est la durée qui a passé dans le ventre de sa maman. 30 jours par mois, ça fait 300 jours à manger comme un prince. Ah, c'est pas mal, mais c'est pas la bonne réponse. Il y a Virginie qui dit Polix, elle a tort. Mieux vaut une bonne soirée sexe avec une pute plutôt que prendre une maîtresse. Ça dure moins longtemps. C'est vrai. Ariel ouais, qui puis dit, en même temps, elle te prend pas la tête après, quoi. Ouais, c'est vrai aussi. Ariel qui dit ne vous battez pas, de toute façon, c'est Toff qui sent la pisse. Et alors, encore un autre message d'Ariel qui dit dimanche, on pisse du sang, lundi, on pisse des smacks, vivement jeudi. Effectivement. Et Félicia qui dit Mickaël, t'as raison, je m'en suis rendu compte aussi pour les smacks, ça sent direct comment ça sent cette connerie. Mais c'est ça, c'est vrai en plus. Hein. Il y a Alexandre qui dit il fait des faux bons restaurants gratuits. Non, il ne vole pas. Bon, c'est une magouille, mais ce n'est pas du vol. on peut pas le... Et d'ailleurs, ils ont appelé les flics, qu'ils ont soi-disant, celui qui les a soi-disant volé. Mais le flic a dit, mais il a tout à fait le droit de faire ça, il n'y a aucun problème, il est... Il est honnête. Non, exactement, non mais c'est vrai, en plus il est honnête. Donc du coup, comment il a fait le chinois pour bouffer 300 jours gratos? Il y a Guillaume qui dit, je suis crevé, je vous laisse, bonne nuit. On finit avec une petite triplette de bienvenue. Bon, si tu veux. Obsédé, bah écoutez. Je m'assure sur ta mère, je m'assure sur ta grand-mère et je les arrose. Non mais vous êtes une ordure. Voilà Guillaume. Et Black Dragon qui dit, il a sucé pour manger gratos. Non, c'est pas ça, continuez hein. Facebook.com/MIKL officiel. N'hésitez pas pour donner vos réponses. Donc comment il a fait le chinois pour manger 300 jours gratos sans voler. Et ça c'est beau. Voilà, sans voler et manger comme un prince hein. Bon, allez, j'ai reçu du courrier. Oh. Ah, j'ai reçu mais un courrier. Du courrier, du vrai courrier en papier. Ah oui, non. Ouais, ouais, mais c'est du Fabien. Courrier en plastique. Non, mais ça aurait pu être du courrier par mail quoi. Non, mais c'est des tweetos qui ont envoyé message. C'est Fabienne qui avait envoyé message et Didier, ils ont fait un courrier et donc ils nous ont envoyé des cadeaux. Oh. Un pour chaque et devinez qui a le plus gros. Mickaël. Non, Sandro. Ah. Voilà. Alors attention, c'est scandaleux. Alors, qu'on leur renvoie leur cadeau tout de suite. Voilà, pour Polo, chien, du carburant pour le pipeau. Tiens, hop, un petit truc pour le pipeau. C'est Polo. Dur, on dirait que c'est. Mais qu'est-ce alors, que c'est attendez, cette merde. Pour notre enculé professionnel Toff. Ah. Voilà, il en a un aussi. Alors pour Mickaël, le rock'n'roll man de la radio. Et c'est du chocolat. Merci beaucoup. Mais je voulais ah, c'est pas. Chocolat. Bah ouais. Et pour Sandro, mais alors j'ai très peur vu la taille oh, du chocolat truc. Blanc, trop bien. Oh putain, c'est tombé. Attends, oh, merde. C'est des bonbons. Ah bah attends, je te le remets dedans. On l'a pas vu. C'est un cadeau, hein, après, l'enveloppe a cassé. Tiens, mais regarde. Oui. Mais hop. Merci. Voilà. Et il y a la... Ah, hémorragie, hémorragie. Voilà, et oh putain, l'enculé de Toff, il a deux cadeaux, il donc. Merci. Ah, hein. J'en ai un deuxième. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Pour tes prochains voyages, tu le prendras peut-être pour aller à Nice. Oui, parce qu'il y a des auditeurs qui ont dit ouais, on a mis Toff, Mickaël envoie Toff à Nice. C'est lui. Et t'as pas respecté. Bah non. T'as demandé de mettre en top tweet, et t'as pas été jusqu'au oh, bout. Oh, plastic bag. Ah, ouais. Énorme. Ah, ils ont mis plastic bag. Merci puis, pour le chocolat. Et même le stagiaire, il y en a un. Mais non, bah non, non, bah on non, va non, le garder, non, on va le garder, on va le garder. Vas-y, partage entre nous. C'est confisqué pour le stagiaire, il a pas le droit, il a fait que de la merde aujourd'hui, le stagiaire. Il n'a pas droit. Tu n'as pas le droit. Ben merci en tout cas Didier et Fabienne. Ils sont mariés gentil. Tous les deux, ils tweetent tous les soirs. Eh ben, c'est pas vrai. Ouais, ils sont ensemble tous les deux. Ils se parlent par coup de Twitter. Il y a des dossiers sur Twitter qui traînent. Voilà, très bien. Parfait. Et ben moi j'ai mon c'est le noir. C'est le seul chocolat que j'aime bien, c'est le noir. Je déteste le chocolat au lait. Donc parfait. Tu as très bien choisi. Bien visé. Ouais. Et alors, et attends, parce que pour le stagiaire, c'était censé être quoi? Parce que du coup, je vais aller le revendre chez moi. Vas-y, revends ça. Attends, on a rien. C'est du noisette et céréales croustillant. Regarde pas ça, stagiaire de merde. Allez, voilà. Fous le camp. Tu l'auras pas. Et bah, merci Fabien et Didier pour le petit cadeau. C'est très gentil. Merci Fabien. Didier. En plus, il est trop bon le chocolat. Et Toff, il bouffe comme un gros porc. Là, ça y est, c'est parti. Là, comme une grosse vache. Là. Ça te suffit pas d'avoir un caillou? Tu veux du diabète, chiant? Voilà, mais il va avoir du diabète. Tu vas voir ça. T'inquiète, ce sera pour après ça. Tu vas voir le diabète. Bon, je vous ai promis le son des Daft Punk là. Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky. Le live qu'ils ont fait au Grammy Awards, c'était hier soir aux États-Unis. Ils ont quand même réussi à choper 5 Grammys, ce qui est quand même pas mal. On se l'écoute maintenant, puisque vous l'avez demandé. Get Lucky, Pharrell Williams et Daft Punk. C'est maintenant sur Fun Radio. Voilà le live de Daft Punk avec Pharrell Williams et en guest Stevie Wonder, vachement bien foutu avec Stevie Wonder, c'était au Grammy Awards hier soir où les Daft Punk ont quand même réussi à choper 5 récompenses, nominé 5 fois, choper 5 fois la récompense, pas mal. Camille qui envoie un message du coup, est-ce qu'il a le message de Camille? Je l'ai perdu. Ah oui, Camille qui dit, Mickaël il est resté, ah oui, par rapport au chinois donc qui a bouffé pendant 300 jours gratos, il est resté pendant plusieurs semaines dans un supermarché sans se faire gauler et ça c'est le rêve. Ouais, bon, enfin 300 jours dans un supermarché, si tu veux. Les premiers jours, à la limite, pourquoi pas, mais bon. Mister Steven qui dit le live était très très bon. Il y a Megumi qui dit Toff, je veux pas te faire peur, mais le chocolat favorise la formation de calcul, donc évite si tu veux pas souffrir. D'accord, bah écoute, je le mangerai doucement. Bah voilà, c'est ça. Et Benjamin qui dit avec Stevie Wonder, c'est la classe. Non, franchement, elle donne super bien avec Stevie Wonder. Secret Key qui dit mort de rire, alors Toff, ton caillou là, tu l'as fait sortir ou tu le gardes pour faire le malade, avoir plus de meufs? Non, je le garde pour faire le malade pour le moment. Voilà, évidemment, minimum, c'est normal, c'est normal. Et alors, alors Alexandra qui dit salut, love mes putes, vous avez pu me remonter le moral. Oh bah tant mieux Alexandra, gros bisous à toi. Et Jomotek qui dit wow, Mickaël, message de bienvenue pour moi, pour mon pote Quentin s'il vous plaît. Et Toff, je t'emmerde. Eh ben va lui mettre un gros dos dans la chatte et va niquer ta mère aussi, gros bâtard. Eh ben voilà, on en fera d'autres dans quelques minutes des messages, donc des messages, des appels pardon avec Toff. Bon Marine. Oui. Bon, et merci encore une fois à Fabienne et Didier hein, qui nous ont laissé le. Ah oui. Qui nous ont offert du petit, des petits chocolats qu'ils ont envoyé. Enfin, des petits, c'est des. La tablette complète, hein. Ah, puis c'est des gros chocolats. En tout surtout. Cas, grâce à ça, Toff ne les aura pas, ces tablettes de chocolat. Non, bah ça, de toute façon, il y a un moment, il faut se faire une raison, quoi. Ouais, je pense que c'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais, hein. Non, c'est ça. Autant de clair. Bon, Marine, tu nous avais appelé parce qu'il y a un mec qui voulait sortir avec toi et en fait, tu t'es rendu compte qu'il avait une meuf depuis, il donne plus de nouvelles. Ouais, et tu veux qu'on l'appelle pour voir un peu comment ça se passe et pourquoi est-ce qu'il te donne plus de nouvelles. D'ailleurs, je voulais savoir aussi, les filles, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être tombé, de vous faire niquer en fait, tout simplement, hein, la connard. Et oui, mais t'inquiète pas, mais oui, je t'aime, mais oui, je vais la quitter demain. Alors patiente, parce que là, je peux pas, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, mais je vais la quitter, promis, t'inquiète pas, oui, je te jure, je la quitte, et ainsi de suite, et ainsi de suite, pendant des semaines, des mois. Des années, parfois aussi. Des millénaires. Ah, donc, appelez-nous, les filles, là, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Et dites-nous également si vous avez des bons plans pour gratter comme le chinois, là, qui a bouffé pendant 300 jours de suite, sans rien payer et sans se faire gauler. Et surtout, légalement. C'est ça le mieux. Et ça, c'est beau. Et manger comme un prince, hein, pas manger des restes ou aller ou bouffer des vieux sandwichs dégueulasses. Non, il mangeait, mais comme un prince. Bon, Marine, on a appelé le mec maintenant, il s'appelle comment lui ? Florian. Bon, bah, écoute, j'espère qu'il va décrocher sur toi. Tu lui parles ou je lui parle si jamais il décroche ? Tu peux commencer. D'accord, ok, très bien. Bon, allez, c'est parti, on y va, on l'appelle. J'espère qu'il va décrocher, surtout que c'est un appel masqué, donc. Pourquoi t'appelles en masqué ? Ça fait combien de temps que t'as plus de nouvelles de lui ? Depuis que j'ai su qu'il avait une meuf. Et combien de temps donc ? Une semaine et demie. D'accord, bon ça va, ça reste récent. Hey, vous êtes qui vous ? Oh putain. Vous voulez quoi ? Oh merde. Ah ouais. En même temps, c'est du répondeur. Il doit être avec sa meuf là. À vous. À la fin. Oh putain, ça c'est du répondeur de merde, Marine. Hein. Mais... Mais alors, en revanche, là c'est le répondeur direct. Donc là, à part rappeler demain, éventuellement un peu plus tôt, à mon avis, là, le mec il a coupé le téléphone et il l'allumera plus avant demain. Hein. Ouais, sûrement. Ah, j'en ai bien peur. Donc, tu veux qu'on l'appelle demain, Marine ? Demain un peu plus tôt, vers 23h ? Oui. Bon, bah écoute, on fait comme ça alors, Marine, reste avec nous, d'accord ? D'accord, y'a pas bon. De soucis. Bon, allez, ne bouge pas de là, Marine, on va te reprendre dans quelques minutes. Et puis les autres, bah dites-nous, justement, tiens, est-ce que vous vous êtes déjà fait niquer par les mecs ou par les meufs, justement ? Venez nous en parler maintenant, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Bah alors, j'imagine que Toff, lui, évidemment, un festival, hein. Bien sûr. Tu as niqué des meufs, hein, bah, tu t'es fait avoir, sûr. Évidemment, par des meufs, je tiens à le rappeler. Hein. Je ne me suis jamais fait avoir, non. Ah, ouais, d'accord. Tiens, il y a Stéphanie qui dit, c'est officiel, je rejoins la ligue anti-Toff. Il était temps, Stéphanie, c'est pas faute d'avoir dit que c'était un connard. Hein? Non mais tu vois, ça fait... Alors, l'exemple parfait, donc Stéphanie qui est derrière Toff depuis je sais pas combien de temps, on l'arrête pas de lui dire, qu'on n'arrête pas de le dire à l'antenne, que c'est un con, que c'est un enfant. Mais non, mais il est... Ah bah voilà. Ben voilà, t'es fait avoir. Il y a Félicia qui dit les mecs qui font ça c'est des mythos. J'ai un ami à qui c'est arrivé, je lui ai dit qu'une fille qui lui dit ça c'était moche et qu'elle mentait. Alors moi je lui ai dit je vais quitter mon mec pour toi et il ne me croyait pas. Je l'ai fait, il était tellement heureux que je n'ai jamais regretté mon choix. Non mais après évidemment Félicia que ça peut arriver aussi, hein. On dit pas que qui mitonne tous. Mais disons que. Il y en a quelques-uns. Bah, la majorité des mecs en général, quand c'est oui, mais je vais la quitter pour toi parce que je t'aime, c'est toi la femme de ma vie, etc. etc. Alors que la vérité, c'est les mecs sont lâches. Non, mais oui, bah exactement, c'est, ouais, c'est exactement ça. Et donc voilà, donc en gros, ah, il y a un con là, il a mis la bonne réponse, Anto là, enfoiré Anto là. Il a mis le lien de du chinois. Bon, bah du coup, je vais balancer la réponse. Ouais. Bah, il a mis le lien sur le Facebook de l'émission. Bah, bravo Anto. Donc le mec il a bouffé pendant 300 jours gratos. Eh bien c'était au lounge. Vous savez dans les aéroports il y a des lounges quand on y accède pour ceux qui voyagent en première etc. Donc on peut là, on a à manger, on a à boire, tout est pépère, on a les canapés, l'électricité, internet, enfin bref tranquille. Et le mec avait pris un billet en première classe. Et quand on voyage en première classe on a accès à ces lounges. Et donc il a pris un voyage en première classe. Et également, quand on voyage en première classe et quand on paye son billet plein pot, même en seconde, on peut l'échanger. Ah oui. Sans frais. Mmh. Et donc, tous les jours, il allait avec son billet de première classe Et quand on a un billet comme ça qui coûte bien cher, même après le voyage, on peut l'échanger. Si tu ne prends pas l'avion, tu peux retourner à la compagnie en disant mais écoutez, j'ai pas pu prendre le vol, est-ce que vous pouvez me le rembourser ou me l'échanger. Et donc il a fait ça pendant 300 jours. Oh le bâtard. Et donc pendant 300 jours, il a pas pris cet avion, il a payé le billet pris plein. Ouais. Il a été au lounge où il pouvait rentrer évidemment hein. Il oh, a été beau, au lounge, ça. Il a bouffé comme un gros porc, oh, il est reparti là. En disant mais finalement, je peux pas partir et il s'est fait rembourser son billet d'avion comme ça tous les jours pendant 300 jours jusqu'à ce que le lounge de Chan Airlines se dise bon attends le mec, c'est pas possible, ça fait 3 jours ça fait 300 jours qu'il est là. Mais et qui donc, est du ce coup, chinois qui bouffe non-stop. Bah c'est ça, du coup, ils ont appelé les flics et les flics sont arrivés en disant bah ouais, mais il a rien fait d'illégal. C'est un service qui est offert dans le billet d'avion. Le billet d'avion, bah il peut être remboursé même après le départ. C'est pas du vol. Mais c'est dingue. Il a profité d'un service de China Airlines et donc voilà, bravo. Il a bien eu raison. Voilà, alors si vous voulez, ça marche aussi sur Air France. Bah, ça marche sur les vols intérieurs. On est en France. Ouais, ça marche partout. Donc vous prenez un billet d'avion. Alors évidemment, le point négatif, c'est qu'il faut avoir l'argent à investir dans le billet d'avion. Même si vous le remboursez après, bah, pendant 300 jours, ils vous le remboursent pas. Parce ouais, que si t'as ils vous l'échangent. Si t'as une carte à débit différé. Ouais, c'est une carte de crédit, tu l'achètes. Tu te le fais rembourser juste avant que ça passe et comme ça tu peux tourner toute l'année. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est une idée. Donc voilà, si vous avez d'autres plans qui vous permettent comme ça de faire des enfumes en fait, tout simplement, parce que c'est ça hein, grossièrement oui, c'est ça, parlé, c'est des enfumes ça. Hein, c'est des enfumes. Bah n'hésitez pas hein, vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Il y a Adrien qui est avec nous maintenant là. Salut Adrien de Joigny dans l'Yonne. Salut. Comment ça va? Tu es joignable à Joigny? C'est drôle ça, dis donc. Hop, dans ma voilà. gueule. Et tu as réussi à Joigny les deux bouts ou pas? Oui. Bon, Adrien, est-ce que... Parce que tu voulais réagir à Marine, qui est toujours avec nous, évidemment, hein, qu'on récupérera demain pour appeler son mec, mais elle est toujours là, Marine. Tu voulais réagir donc à Marine, qui a eu un mec, qui voulait sortir avec elle, mais il a une meuf depuis, plus de nouvelles, depuis qu'elle l'a appris, évidemment. Bah, moi, j'avais à peu près la même chose, mais en fait, elle avait déjà un mec. Et ouais. Au bout d'un mois, en fait... Elle m'a avoué que en fait si c'était des petits plans drague, des petites soirées tout sympas elle et moi, c'était juste pour voir si en fait elle plaisait toujours et qu'elle était capable de draguer un mec. Alors, ça fait 4 ans qu'elle est avec son mec quoi. Ah ouais d'accord, genre avec son mec officiel, elle se sentait plus aimée. Bah, du coup, elle savait pas si elle était capable en fait de refaire des plans drague ou des petites soirées sympas comme ce qu'elle faisait avant en fait. Donc du coup elle a voulu tester. Ah ouais. Et elle a testé sur toi. Et ben elle a testé voilà. sur toi. C'est ça. Ah bah écoute, t'en bah, as de la chance. Eh bah pourquoi ouais. pas, pourquoi pas. Voilà. Et du coup, tu l'as viré, tu t'es vengé, t'as fait quoi? Bah c'est que du coup en fait, moi j'ai forcément, je me suis démerdé pour essayer de voir le monsieur en question. Ça fait 4 ans qu'elle est avec quoi, en fait. Pour essayer de voir si lui était au courant de ses plans. Ah t'as voulu foutre la merde, quel enculé. Bah je me dis voilà, on partage quoi, normal quoi. Ah bah et, ouais mais... En fait vu qu'elle a pas été très maligne puisque... On travaillait un peu dans le même centre. Quoi. Moi, j'étais dans un centre commercial et elle, je faisais toute la base de la sécurité et elle a travaillé dans une des boutiques. Et en fait, je savais que le jeudi soir, son mec, il venait la chercher et il y avait un fleuriste dans la boutique et moi, j'ai fait livrer un bouquet de fleurs, en fait, en marquant « Merci pour cette super nuit ». Quel bâtard. Non, j'aurais fait pareil. J'ai trop foutu la merde, quoi, en fait. Et du coup, tu sais ce qui s'est passé par après ou pas? Ben en fait moi je t'en passe, je surveillais vers les caisses et tout quoi, le sourire quoi, et genre il y a eu une putain de crise de jalousie, il y a pris la tête devant tout le monde et tout quoi, et je me suis dit ouais je suis croque de mon cou quoi en fait. Et il était content, il était content, très bien. Ouais, je suis content. Eh ben merci Adrien d'être passé, hein. Tu reviens quand tu veux. Hein. Bon, salut à toi Adrien, reste fidèle à Fun Adrien, ciao. Il y aura Stéphane dans un instant et Hilary, on aura également Yvan pour réagir par rapport aux arnaques, donc restez avec nous. Il y a Katia aussi qui dit mort de rire, j'en connais demain qui vont aller acheter un billet d'avion pour bouffer gratis. Bah ouais, mais ils ont raison, c'est possible. Kylian qui dit aussi Tof, il a la tête d'un mec qui lâche des caisses et qui fouette. Ah bah je peux te dire hein, que ça arrive souvent, mais Polo aussi hein, pour le coup. Hein. Et Cindy qui dit il a l'air gentil Tof, vous êtes méchant. Eh bah vas-y. Merci, Cindy. Eh ben vas-y Cindy, on en reparlera comme Stéphanie dans quelques semaines. Fonce Cindy, vas-y, c'est open bar. Allez, là, c'est ouvert là. Allez, vas-y. Achète le billet pour manger 300. Ouais, achète le billet, bah t'inquiète pas, là, l'allée simple. Bon, 1h30 sur Fun, bienvenue si vous venez de débarquer, c'est la nuit sans pub et c'est Mickaël. De limite jusqu'à 2h du mat. Faites passer le message autour de vous. Il y a enfin un truc à écouter le soir à la radio et c'est sur Fun Radio que ça se passe. Et on va écouter le son de Pharrell Williams, tiens, justement maintenant. C'est le son de Happy et vous allez voir que cette fois-ci il chante mieux que la version qu'on a écoutée où il était au Grammy Awards où il avait peut-être un verre dans le nez. Hein. Il avait du mal à chanter. Pharrell Williams, c'est maintenant sur Fun Radio et c'est Happy. Bonne nuit. It might seem crazy, what I'm... Le son de Pharrell Williams sur Fun Radio, c'était Happy. Bienvenue si vous arrivez, c'est Mickaël No Limit. Il y a Ludivine qui dit moi j'aime un mec beaucoup plus âgé que moi et je vis avec un autre. Bah Ludivine, pourquoi bizarre. Alors pourquoi tu te c'est pour alterner. Pas le bon directement, ce serait quand même beaucoup plus simple. Bon, tout à l'heure, je vous rappelle qu'il y aura Polo contre le reste du monde, hein, comme tous les soirs aux alentours d'une heure 55, c'est dans 20 minutes. Donc si vous voulez participer à cette grande émission de débat. Oui, de débat. Où vous avez la possibilité de tout dire, évidemment. Et de dire la vérité. Avec un animateur qui vous laisse parler, qui vous laisse au centre du sujet. Ouais. Voilà, Polo donc, hein, Polo contre le reste du monde. Si vous voulez participer à cette grande émission et enfin pouvoir l'ouvrir en toute liberté, ouais. 01 42 48 5000, appelez Sandro maintenant, ou pour la Belgique, le 02 851 4x0, n'hésitez pas. On va faire les appels avec Toff maintenant, là. Hop, allons-y. Là, c'est parti, on fait un petit dernier là. Bah oui. Allez, je rappelle qu'on est tombé sur cette grande enquête qui disait que 7 femmes sur 10 se masturbaient au moins une fois par mois. Au moins une fois par mois. Donc du coup, nous allons appeler maintenant afin de vérifier ça. Tiens Marine. Oui. Comme t'es une fille toi, tu te masturbes combien de fois par mois toi? Jamais. Ouais, qu'est-ce que je disais? Tiens, bon. Non, je ne l'ai jamais fait. Jamais, jamais, tu t'es pas mis un petit doigt jamais? Jamais, jamais, jamais. Un mais concombre, une banane. Mais tu sais, comme dit un vieux sage, ce n'est pas sale. Non mais c'est vrai. Oui, il faut apprendre à ton corps. Exactement, tu découvres ton corps et c'est beau. Ouais, mais non. Jamais. Bon, d'accord, ok, très bien. Attends, parce qu'il y a aussi Hilary qui est avec nous. Hilary. Oui. Comment ça va? Ça va et vous? Bah ça va. Tu t'es déjà masturbé ou pas Hilary, toi? Non, moi j'aime pas ça et puis mon copain, c'est déjà bien. Mais c'est pas la même chose. Mais oui. Oui, mais... Tes doigts, ils s'y connaissent mieux. Mais non, mais c'est pas pareil. C'est comme les mecs qui disent « Ah non, mais moi, je me branle pas parce que j'ai ma copine. » Oui, non, mais d'accord, c'est très bien, mais c'est pas pareil. Ah bah ouais, mais moi, j'ai une copine, je me branle. Oui, non, mais d'accord. Mais lui, il éjacule des cailloux, lui, des rochers. Carrément, des rochers en fait, c'est ça, moi. J'ai du sperme en poudre. Grave, cool, nickel, tiens. Et les filles sont dans le studio, là, il y en a qui se masturbe, sans déconner, pas foutre de ma gueule quand même. Hein? Bon, alors attends. Attendez, bon, parce que personne répond là, approchez-vous du micro, là. Attendez, je vais allumer, hop là. On donnera pas votre nom, voilà, on donnera pas votre nom. Alors. Non, moi je suis bien sage. Oh, allô, t'es des sages. Oh. Alors là-bas en rouge, là, en rouge. C'est déjà arrivé. Bon, pour pas dire que c'est tous les jours. Très bien, donc, et à côté, à gauche, tout à fait au bout, là, non, oui. Non, jamais, alors jamais, alors comme par hasard. Comme par hasard. Donc il y en a qu'une qui est à moitié franche. Ouais, mais il y en a qu'une qui dit la vérité. Elle a dit que c'était arrivé, elle a pas donné de nom, enfin de nombre. C'est tous les jours. Ah oui, mais c'est ça, c'est déjà arrivé. Donc on va continuer à appeler maintenant pour vérifier. Allez, c'est parti. Est-ce que les gens vont continuer à nous dire n'importe quoi comme Sandro qui dit non, moi jamais. Alors qu'on l'a grillé. Oui, bonsoir monsieur. Bonjour. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si votre femme se masturbait, monsieur. Sûrement, ça doit y arriver, oui. Ah et oui. Vous, la vôtre. Ben, je sais pas, j'en ai pas, c'est pour ça que je me posais la question. D'accord. Ouais, voilà. Bah, écoutez. Hein, donc. C'est une connerie pour Fun Radio, non? Ah non, pas du tout, monsieur. Non. Ah non, mange pas de ce pain-là sur Fun Radio, monsieur. Ouais, voilà, tout à fait. Bon, bah écoutez, on va se souhaiter une bonne soirée, alors. Merci, voilà, vous aussi, au revoir. Au revoir. Merde. Non, on n'est pas comme ça sur Fun Radio. Non, bah, pas du tout. Ça. Mais pas du tout. Bon, on rappelle à l'autre, alors, du coup. Ah oui. Bah oui, parce que là, on est un peu grillé. Donc voilà, oui, donc comme je disais, Sandro qui disait qu'elle ne se masturbait jamais alors qu'on l'a grillé encore dans les shots de Fun, là, il y a encore 2 jours. Ah, elle était bouillante, elle hurlait, jambes écartées, exactement. Enfin bon, histoire. Allez, on appelle un autre maintenant, c'est parti. Casser la porte. Bah complètement. Et les pattes. Et les pattes. Allô. Oui, allô. C'est qui? Oui, c'est Toff, madame. Pardon? Non, je m'appelle Toff. Toff. Oui, c'est moi. Et donc? Et ben en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous vous masturbiez, madame. Et ça va pas. Bah si, et vous? Oh merde alors, bon on rappelle. Allez. Allez. Oui, excusez-moi madame, on a été coupé. T'as rien d'autre à foutre, fils de pute. Bah pourquoi vous dites ça monsieur? T'as rien d'autre à foutre, enculé de ta mère. Mais enfin monsieur, un petit peu de calme. Ouais, t'as une voix d'adulte en plus, tu t'amuses à ça, t'amuses. Bah oui, parce que en fait je voulais juste savoir si votre femme se masturbait monsieur. T'es un marrant toi dans ton genre, ouais. Mais pourquoi vous dites ça monsieur? T'as rien d'autre à faire dans ta journée. T'es bien malheureux. Allez crétin, je te laisse. Continue à appeler, c'est pas grave. Oui mais votre femme, vous avez pas répondu. Allez, monsieur. Allez, va t'enculer, fils de pute. Mais enfin monsieur. va se faire reculer, va se faire reculer. Mais le meilleur reste quand même le premier appel qu'on a eu l'occasion de faire tout à l'heure. Je m'assure sur ta mère, je m'assure sur ta grand-mère et je les arrose. Voilà, je crois que celui-là... Eh ben, va lui mettre un gros dos dans la chatte et va niquer ta mère aussi, gros bâtard. Et il y avait même celui-là. Mais va niquer ta grand-mère, fils de pute. Voilà. Non, là, je pense qu'on était quand même au top de la grande classe. De la sympathie. Ah, le top de la grande classe. Bon, retour avec Marine, là, qui était avec un mec qui voulait sortir avec elle, puis elle s'est rendu compte qu'il avait une meuf, du coup, plus de nouvelles. Et il y a également Stéphane d'Evreux. Salut, Steph. Bonsoir, l'équipe. Bonsoir, la famille. Salut. Comment ça va, Steph? Bon, écoute, ça va bien, ça va bien. Bon, alors, j'ai commencé par mettre toute l'équipe à dos et la moitié des éditeurs de Fun. Tof, te laisse pas faire. De toute façon, ils sont jaloux, c'est tout. Merci, mais Stéphane. Non. Merci, moi aussi, je te kiffe, Stéphane. Mais c'est un enculé. Merci, moi, Stéphane. Oui, moi, oui, aussi, hein. Ah bon, d'accord. Alors, entre enculé, peut-être que vous allez vous comprendre. Eh oui. Bon, alors, c'est quoi que tu voulais dire, Steph, par rapport à Marine? Eh ben, écoute, au sujet de Marine, tu t'inquiètes pas, Marine. J'ai une histoire qui a commencé il y a 18 ans exactement et qui est toujours en cours. Bravo! Putain, ouais, regarde, t'es mon héros! Regarde, y'a qui est content. Record à battre. Attends, donc ça veut dire que t'es avec une meuf depuis 18 ans, mais t'es pas avec elle. Donc ça veut dire que ça fait 18 ans que tu lui promets que tu vas quitter ta femme et tout ça. Eh, arrête. J'ai dit tout à l'heure que j'étais comme toi, c'est que j'étais aussi un enculé. Réfléchis. T'es mon héros. Voilà. T'es mon héros, Stéphane. Non, mais c'est ouf quand même. L'association des bouffons. Non, mais attends, je te résume. C'est dommage que tu sois si loin, je t'aurais invité à prendre un verre. Mais oui, c'est ça. Il t'aurait fait payer parce que lui, c'est un vrai enculé. Kikura sa mère. Et donc, alors, non, je continue. Donc, il y a 18 ans, je kiffais un mec, point. Et le mec, un jour, a le, quand même le culot de m'inviter pour me présenter son nouveau mec. Oh, c'est bon, ça. Ah, t'es du... T'aimes les hommes qui aiment les hommes. Ouais, tout à fait. Ah, d'accord, mais ça compte pas. Bah si, ça compte, pourquoi ça compte pas? Bah non, c'est juste les femmes. Non, mais c'est quoi, ça compte pas? Non, c'est pareil. Nous, on aime la chatte, nous. Non, mais attends, tu veux que je prenne la voiture? Je vais monter au studio, tu vas voir si ça compte pas. Ah, vas-y, ah, tu crois il va te mettre à quatre pattes? Mais non, il va juste te montrer que c'est peut-être mieux chez les mecs, hein, tu sais pas, Polo. Ouais, tu vas découvrir des nouvelles sensations, Polo. Non, bah attends. Et donc déjà, je trouvais ça très fort. Bon, et il s'avère qu'au cours de la soirée, machin, je me dis putain, enfin, je commençais à kiffer le mec du mec que je kiffais avant. Tu vois, oh là là là, quelle histoire! Oh, quelle histoire! Un mois après, J'ai un appel téléphonique, sachant que j'avais pas laissé mon numéro. J'ai un appel téléphonique du mec en question. Ah oui, donc il a galéré pour te retrouver, quoi. Le mec a galéré pour me trouver, pas celui que je kiffais, hein, pas celui après qui je courais. Non, l'autre encore. Son mec, voilà. Oh là là. Ah, non, mais attends, et alors là c'est parti. Et vous avez fait la queue leu-leu. Attends, rigole pas, c'était pas du tout c'était pas du tout la croisière s'amuse. Pas du tout. Donc si tu veux, je résume. T'inquiète pas, machin, truc, de toute façon ça va pas avec lui, je vais le quitter, enfin tout bordel. Ils sont restés 3 ans ensemble pendant 3 ans. C'est ça qui est bien, c'est qu'on voit que chez les gays et les hétéros, c'est le même cinéma. C'est la même merde. Mais je vais le quitter, blablabla, et en fait rien. Et attends, et le pire, c'est quand même que par exemple, genre, au baptême du filleul, c'est moi qui étais invité, pas son mec. Sa famille, c'est bon, ça. Non, mais attends. Sa famille me connaissait plus, moi, que son mec. C'est ouf. Ah non, mais c'est complètement ouf. Donc un jour, moi, j'étais célibataire, donc moi, un jour, j'en ai eu marre. Tu as fourré. Voilà. Donc, non, pas du tout, absolument pas. J'aurais préféré qu'il me fourre, si tu veux. Mais je suis une grande passive devant l'éternel. Ah, d'accord. Et derrière les forêts aussi, d'ailleurs. Ah. Mais quoi? C'est pas sale. Mais non, c'est pas sale. Enfin, ça dépend, après. Faut nettoyer un peu. Comme dit un vieux sage qu'on connaît tous. Exactement, hein, bon, ce n'est pas sale. Voilà, ce n'est pas sale. Et donc, et puis, bah, si tu veux, 18 ans après, il s'avère qu'il habite quasiment le même secteur que moi, et que je le revois en gros une ou deux fois par mois quand on fait des courses avec mon cher et tendre actuel, que j'adore et que j'aime. Hein. Et qui n'écoute pas l'émission, hein, a priori. Non, normalement, il est dehors. J'espère pour toi. Et que à chaque fois que je le revois, c'est systématique, il y a la même décharge d'adrénaline, l'autre il est rouge écarlate, moi je sais plus où me foutre, 18 ans après. Donc Marine, pas d'affolement, ça va bien se passer. Mais non, mais là il donne plus de nouvelles, enfoiré. Mais... Oui, alors, tu sais quoi, Marine? C'est qu'il te mérite pas, laisse tomber, chérie. Si t'as pas donné de nouvelles, c'est qu'il te mérite pas. T'inquiète pas, des mecs, il y en a d'autres. Alors que Toff, il peut te donner des nouvelles, hein? Ah bah tous les jours. Ouais, bah oui, ça c'est sûr. Mais écoute, tu allumes ta radio, je te donnerai des nouvelles. Bah Steph, attends, reste à deux secondes, il y a Hilary aussi qui est avec nous de Mons. Salut Hilary. Salut. Comment ça va? Ça va, c'est la première fois que je passe sur une radio. Donc eh ben écoute, bienvenue Larry. Et en plus, tu sais que Toff a été à l'hôpital de Mons avec son caillou. Hein. Il a failli mourir là-bas. Il a failli décéder à Mons ce week-end. Oui. Ah ben dommage, je l'ai pas vu. Hein. Ouais, j'étais à Warkini. Ah, oh, génial. Bon alors, Hilary, qu'est-ce que t'avais comme conseil à filer à Marine, toi? Tu voulais réagir? J'étais à Warkini. Bah c'est le nom de l'hôpital. Bah, tout simplement, oui. Si maintenant le garçon n'est pas assez courageux que pour quitter, alors que soi-disant il l'aime, il faut pas chercher plus loin. Non mais c'est ça, moi je comprends pas pourquoi Marine elle s'obstine. Bon, franchement moi à ta place hein, je l'appellerai même pas, j'en aurai rien à foutre. Voilà, l'affaire elle est pliée, c'est un connard, point. Ma chérie, je t'en prie, passe à autre chose, hein, les mecs, ça vaut pas le coup. Hein. Bah oui, et en plus tu sais de quoi tu parles. Ah bah c'est ça. C'est clair. Ah ouais, c'est clair. C'est qu'il m'avait promis plein de trucs. Mais oui, mais c'est ça les mecs. Mais alors regarde, avec Toff c'est pareil. Hein. Il va. Message à toutes les meufs. Hein. Il va vous promettre plein de trucs. Il ne tiendra parole sur rien. Et puis une fois qu'il vous aura baisé, il va vous dégager comme une merde. C'est ça. Hein. Oui, c'est ça. C'est un bon résumé. À part si vous savez le dominer. De quoi? C'est un bon hétéro de base. Mais non, même chez les gays, c'est pareil. Alors, monsieur, je ne peux pas vous laisser dire ça. Mais si, c'est la même chose. L'autre, il m'insulte d'être hétéro. Chez les gays, c'est encore pire. Voilà, peut-être. Non, pourquoi, mais je pense que c'est pareil. Je pense que pourquoi c'est encore pire? Pourquoi c'est encore pire? Oh mon Dieu. si tu savais ce que je viens de faire juste avant de vous appeler. Bah vas-y, dis-nous que c'est dégueulasse, mais vas-y. Dis-le toujours. J'étais faire sa petite turlute à un hétéro qui s'était jamais fait sucer par mec. Oh putain, c'est pas possible. il a kiffé sa race, il a voulu mon numéro. Hein. Non. Je rends mon casque, je m'en vais. Ça. Merci pour tout. Bah, oui, c'est à ça. Bon entendeur. Salut. Allez, bonne soirée. Ah bah putain, pas mal. Bon, hey, Stéphane, je vais te repasser le stagiaire. Il a quelque chose à te demander. Je te le renvoie Stéphane. Merci beaucoup Stéphane. Il m'explique la vie. Ouais. Bonne nuit. Salut Stéphane, merci beaucoup. Et surtout Marine, ne t'inquiète pas, te prends pas la tête. Voilà, c'est un connard tout simplement. Salut Stéphane, merci Hilary, gros bisous. Merci, au revoir. Salut, on embrasse tout le monde à Mons. C'est Marine, on te reprend demain 23h. D'accord, y'a pas de soucis. Salut. Une dédicace. Allez, vas-y, y'a une personne, profites-en et choisis la bonne. Magdalena. Ma d'accord. Écoute. Eh ben on l'embrasse, pas de problème, on fera le top tweetos d'ailleurs comme tu parlais de Twitter. Gros bisous Marine, et à demain. Et puis top tweetos dans quelques minutes. Je rappelle que plus vous postez de messages, plus vous avez de chances de repartir avec le sextoy offert par passagedudésir.fr. Et comme on n'a pas donné de numéro ce soir, ce sera le numéro 1. Et si le numéro 1 a déjà gagné, ce sera le numéro 2 et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on tombe sur quelqu'un qui n'a pas encore gagné, bien entendu. Hashtag et Mickaël sur le Twitter, je compte sur vous. On va revenir dans quelques minutes avec le polo contre le reste du monde. Ouais. Si vous voulez participer, polo contre le reste du monde, appelez-nous maintenant 01 42 48 5000 pour la Belgique, 02 851 4x0. On aura Philippe dans quelques minutes, on aura Yvan également là pour parler des arnaques. Et puis je vous l'avais promis hein, au cœur de la nuit sans pub, le son de Showtech maintenant sur Fun Radio. We like to party. Et si vous voulez nous appeler, vous connaissez les numéros, c'est Mickaël No Limit. On est tous les soirs en direct jusqu'à 2h sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde. Le son de Showtech sur Fun Radio à l'instant, We Like to Party, et on se quittera aussi tout à l'heure avec Shakira notamment. Il y a un message qui est arrivé aussi, Toff, c'est réglé, il éjacule en poudre, dis-lui de se la taper sur la table pour casser les grumeaux. Vous êtes au top, donné en direct de Fournil, je vous écoute tous les soirs. Eh ben merci pour le message et pour le conseil. Stéphanie qui dit, en fait le mec il veut pêcher au Toff, qui lui mette bien cher, et Secret Key qui dit la thème des enculés, Toff président, auditeur, trésorier. Ouais, c'est une idée également, c'est pourquoi un pas. Très bon. Un très bon concept, je vais le prendre. C'est vrai. Et Doom, c'est ce qu'il dit, faut arrêter les meufs là, il vous demande si vous vous touchez, et comme par hasard personne se touche. Assumez, il n'y a pas de mal à se faire plaisir, je suis assez d'accord. Et Christophe qui dit, après la solidarité féminine il y a la solidarité d'enculé, n'importe quoi. Et Devers 45 qui dit, vous vendez du rêve chaque jour, big up à vous. Merci Devers. Et on accueille Philippe avec nous. Salut Philippe. Ouais, salut Mickaël. Comment ça va Philippe? Ah mais c'est Philou. Très bien, depuis que je vous écoute j'ai changé de tout au tout. Ah, comment ça? Je me fends la gueule tous les soirs. Ah bah, c'est trop putain. Et ça saigne pas? Ça saigne pas, non. Eh bah, nickel, impeccable. Bon, alors. Je voulais donner un conseil à Polo. Ah. Quand il appelle pour savoir s'il y a un homme ou une bonne femme. Ah non, c'est Toff, c'est Toff. En fait, c'est marrant parce que tout ce que Toff fait, vous pensez que c'est Polo. Tout ce que Polo fait, vous pensez que c'est Toff. C'est marrant. Polo, c'est le beau gosse avec une belle voix. Donc, à partir de demain, Polo s'appellera Toff. Ah non, je peux pas. Ah si. et tu te mettras à la place d'enculé. Ah voilà. Non. Tu te laisseras un peu de merde sur la chaise. L'horreur. Donc, et quelques grumeaux. Vas-y, continue donc. C'était Tof dont tu parlais. Alors donc, je voulais lui dire que s'il veut savoir s'il y a un type ou une bonne femme à se masturbe, c'est simple, il a juste qu'à lui demander quelle main tu prends pour te branler. Et automatiquement, 9 fois sur 10, ouais. La main droite ou la main gauche. Ah. Tu vas d'abord réfléchir à la main et après tu vas dire, mais non, je dois pas le dire. Pas mal, pas mal. Oui, bien vu, vu Philippe. J'essaierai ça demain. Ouais. En tout cas, bravo pour ce que vous faites, parce que vous me faites marrer tous les soirs. Oh bah c'est gentil Philippe. Et puis quand vous êtes pas là, je me fais chier. Non. Bah écoute, tu vois, ça tombe bien. On est là tous les 5 jours par semaine, Philippe. Je le sais, même 8h à... Le dimanche à 8h jusqu'à 11h, je vous écoute. Eh ben voilà, nickel. Eh, t'as vu, je vais te mettre une petite chanson pour toi, Philippe, comme t'es pas tout jeune. Exact. Je vais te mettre une petite chanson rien que pour toi, regarde. Vous les femmes. Oh, Julio. Vous les femmes. Voilà, t'as super. Je vous prends, je vous retourne. Là, tu kiffes, je ça, vous baise. Hein. Vous les femmes. Adorable. Bah, si tu veux, j'ai même ça aussi. Attends, j'ai peut-être celle-là aussi. Hop là. Tiens, bonjour. Salut. Comment tu vas depuis? C'est une chanson pour les vieux, ça. Ah bah oui, justement. Ouais. D'ailleurs, ils ont lancé un nouveau truc avec à base de paix. J'ai vu ça sur internet tout à l'heure. Là, c'est une espèce de. Il y avait des chansons et donc interrompues par des paix. D'accord. Alors, écoutez, on peut essayer, tiens. Je dois t'avouer. Tu veux le truc? Le soir, de repenser à. Ça peut marcher avec Bieber, ça aussi. Ouais, ça peut marcher, ouais. Essaye ouais. Avec du Bieber pour voir. Jérôme, c'est moi. Non, je n'ai pas pété. C'est super, génial. Ah bah voilà, il est content, mais c'est le principal. Attends une seconde, j'essaye encore. Tiens, tu vois. Ouais, ça rentre, hein. Ouais. Ouais, ça passe crème. Hey, ça passe crème. Michael. Ouais. Si un jour, pas dans l'immédiat, mais si un jour t'avais l'occasion de me passer un disque, ça me ferait beaucoup plaisir. Un vinyle, un 33 tours. Ouais, un 33. Ouais, un vinyle, c'est And the Moon de Gwyn Miller. Ah oui, mais alors, comment te dire qu'on n'est pas sûr d'avoir ça en stock à la radio, hein. Tu sais, c'est non, c'est bien, mais c'est pas maintenant. Parce que c'est très dance floor, fin de radio, tu vois, ouais. Donc, ouais. Écoute. Comme je vous écoute tous les soirs, je le Ah bah, c'est gentil. Non, mais écoute, on va essayer, mais je te promets rien, hein. Non, mais ce serait pas grave. D'accord, bon, bah, très bien, alors c'est parfait. Ça serait pas grave. Mais en tout cas, je voulais vous féliciter pour. Féliciter. Je m'amuse, mais alors je me fends la gueule tous les soirs. Merci beaucoup, Philippe, en tout cas. Salut. Allez. À toi et bonne soirée. Et bonne soirée à vous autres. Bah, bonne nuit, même. Hein. Salut, Philippe. Attends, on va essayer, tiens. Ouais, ça rend mieux, là. Ah, ça donne mieux, ouais. C'est pas mal, hein. Ouais, j'aime bien, moi. Ça relève un peu le niveau, je pense. Attends. Eh, celui-là, il est passé crème. Il passe bien, celui-là. Ouais, ah là, on tient un hit, hein, on tient un tube. Attends. Non, c'est pas mal. Il y a peut-être. Je crois qu'on tient un truc là. Il y a un truc, ouais. Je crois qu'on tient un truc. Bon, avant de partir et avant de faire polo contre le reste du monde, il y a Yvan qui est avec nous. Alors, on dit Yvan ou Isvan ou Isvan ou... Isvan. Alors, je sais pas. Bon. Isvan lui-même, mais il s'aime pas trop pour se vanner lui-même. C'est drôle ça. Voilà. T'as été défendu, Isvan. Bon, t'appelles de Maubeuge dans le Nord, 59. Et tu voulais réagir par rapport aux arnaques, par rapport au chinois qui a réussi à manger pendant 300 jours gratos en allant gratter dans le lounge de chez China Airlines, la compagnie aérienne, en allant à l'aéroport. Hein. Vous savez, il y a les lounges et donc si vous êtes en business par exemple, vous pouvez y aller manger gratos. Et donc lui en fait avait acheté un billet d'avion en business, échangeable et remboursable à souhait. Et tous les jours il se faisait rembourser après avoir été mangé. Et donc en fait il a fait ça pendant 300 jours en fait. Pépère. Hein. Il est fort. Et toi, c'est quoi le conseil que t'as affilé? Moi, ce que je fais, c'est quand je vais au McDo, alors je prends ma commande, je fais le tour du parking, je dis qu'il me manque un ou deux hamburgers, à chaque fois il me le rend. Oui, c'est vrai, ça marche pas mal. Ou alors quand le McDo ou Quick, hein, ça marche aussi. Même KFC, à la limite, quand c'est, tu sais, quand il y a vraiment beaucoup de monde, une fois que t'as fait la queue, tu vas bouffer. Et si t'as encore un peu la dalle, tu sais, tu retournes, tu fais le mec un peu agacé en disant, écoutez, ça fait quand même là presque 10 minutes que j'attends. J'avais commandé ça et ça. Bon, il y a un moment, là, je suis avec la famille ou avec des potes, ils ont déjà fini de bouffer, ça se fait pas. Pardon, monsieur. Hop là, il te le donne, il pose pas de questions. Ouais, mais il pose jamais de questions, hein. Si tu reviens pour dire ouais j'ai pas reçu ça, et généralement il te le donne et il pose jamais de questions. Ouais, ça dépend, ouais. C'est totalement clair. Ouais, ouais, c'est clair. Donc c'est un bon plan, ça permet d'économiser un petit peu. Bon, pas grand chose, mais sur l'année ça économise un peu, c'est vrai. Ouais, c'est qu'il va 3-4 fois par semaine, ça va, c'est rentable. Bah ouais, mais enfin je te conseille pas d'aller 3-4 fois par semaine au McDo non plus, hein, mais bon. Bon bah merci Svan. Y'a pas de soucis, c'est possible d'avoir un petit cadeau ou pas? Oui bah tu vas gérer ça avec Sandro, on va gérer pour avoir un pack fun sans problème. Et sinon il y a au KFC aussi. Non, vas-y. Une petite dédicace. Oui, vas-y. Juste une petite dédicace à Kevin qui m'écoute. Très bien. Eh ben le message est passé, il n'y a pas de problème. Salut à toi Ivan, passe une bonne soirée, merci d'écouter Fun. À bientôt à Maubeuge, ciao. Et donc quoi? Non, ouais, je voulais dire au KFC, en fait, si tu commandes à la borne et qu'en fait t'arraches la carte avant que ça ait fait le paiement, et ils le savent pas à la caisse. Ouais, mais il y a le ticket normalement qui doit sortir. Eh ben ouais, mais le ticket il sort. En fait, si t'arraches la carte avant et que le paiement se fait pas, la borne sort quand même le ticket et à la caisse ils le savent pas que t'as pas payé. Ah bon, on va essayer. On va essayer avec Polo demain. Hein? Ouais, mais ça me laisse dubitatif. Non mais on va essayer avec la carte de taf. Ah ouais, voilà, oui, là. Voilà, oui. On va bouffer avec lui et puis bah s'il a de la chance, il a de la chance et sinon tant pis. Sa carte pourrie là. Ça me paraît pas mal, ça me paraît un très bon plan même. On peut tenter voilà. Ça. Voilà, il y a Denis qui dit j'ai adoré ton remix de Justin Bieber. Bah merci. Et Ariel qui dit l'amour sans la délicatesse. Mais si, il y avait de la délicatesse. C'est un petit peu ça. Et Florent qui dit termine avec un coup de lance-flamme pour toi, avec plaisir. Voilà, dans sa gueule, c'est de toute façon tout ce qu'il a mérité. Bon, il est temps de faire un polo contre le reste du monde. Vous connaissez le principe, c'est tous les soirs. Donc si vous voulez participer, il n'est pas encore trop tard. Hein. 01 42 48 5000, 02 851 4x0. Si jamais vous avez envie, n'hésitez pas, bien entendu. Hein, il suffit vous appeler. Hein, il n'y a pas plus simple que ça. Vous appelez et puis vous passez à antenne avec polo contre le reste du monde. Et ouais. Pour démarrer tout ça, bien évidemment, musique. Musique de merde. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde. Cette grande émission qui va faire bientôt de l'ombre à JP la nuit. Non, c'est JB, pardon, je me trompe de son prénom. Il est tellement nul que je me trompe de son nom. Alors appelez, n'hésitez pas, on va commencer tout de suite avec Adrien. Adrien, je t'écoute. Salut. Bah parle, espèce d'idiot, va. Ouais, espèce d'idiot, va. Bah moi, je voudrais récupérer ça. Bon, allez, casse-toi. Tof. Ouais, Polo. Qu'est-ce que tu fais là, sac à merde? Bah en fait, je voulais te parler d'un truc, mais... Vas-y, parle. Hein, dans ton émission. Non, voilà, c'est comme il y a eu Stéphane tout à l'heure, tu sais, qui expliquait qu'il avait sucé un mec et tout. Ouais. En fait, voilà, moi je voudrais me faire sucer, mais par un travelo. D'accord. Et je voulais savoir si tu pouvais m'accorder. Oh, quelle horreur, Mickey. Oh, quelle horreur, ce mec. Tof, t'es une pourriture. Kylian. Oh putain, mais c'est pas possible. Et toi, tu l'as pas briefé, le stagiaire, le mec. T'en as rien à foutre. Allô. Ouais, je t'écoute. Oh putain, c'est pas possible ça. Oussama. Ouais. Salut. Je vais t'épouser. Tu veux épouser qui? Ta bite. D'accord, ok. Karim le Toulousain. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde. Bien quoi? Bien et toi? Tranquille. Oh, c'est une bite burger, là. C'est de la merde. T'écoutes ça toi? Bah ouais, j'écoute. Pourquoi? Moi tu te prends devant lui ou quoi? Ouais, d'accord, ok. Adrien de retour dans le polo contre contre le reste du monde. Je t'écoute. Ouais, bah toi t'es un loser, moi je préfère me taper sa meuf que voir sa gueule et puis écouter ses chansons à la con. Je comprends pas. J'ai dit je préfère me taper sa meuf qu'écouter ses chansons à la con. Je comprends pas de quoi tu parles là exactement. Ouais, bah moi je comprends de quoi je parle. Bah non, bah oui, mais tu comprends toi, mais sinon on comprend pas, ça a aucun intérêt. J'ai dit je préfère me taper la meuf de Justin Bieber qu'écouter ses chansons à la con. Et bah voilà, espèce d'idiot, si tu t'exprimais normalement. Tof, de retour. Ouais, non, parce que... Voilà, moi je me dis un traf ça peut être pas mal parce qu'il aura des vrais seins, mais il aura tout le service proche en dessous. Tof, ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah rien, c'est un truc, c'est un fantasme que j'ai depuis longtemps et tu vois, j'osais pas t'en parler dans l'émission parce que t'es en face de moi, alors là je te vois pas donc je... Ok, d'accord, Tof. Le patron de boîte. Allô, le patron de boîte, s'il te plaît. Bonjour, patron... Pierre. Allô, le patron de boîte. Allô, tu m'entends? Oui, je t'écoute. Ouais, salut Jean-Pierre, j'ai entendu que tu t'étais... Non, je suis pas Jean-Pierre là. Dans des discothèques, alors je voulais savoir si tu pouvais venir chez moi. Je ne suis pas Jean-Pierre. Chanter Wonderland, Jean-Pierre. Mais tu veux, mais je ne suis pas Jean-Pierre. Bah ok d'accord, mais Jean-Pierre, tu peux faire quand alors pour chanter? Mais je ne suis pas Jean-Pierre, mais on... Mais tu veux... c'est Jean-Pierre, Jean-Pierre Sauzé. Non, je ne suis pas Monsieur Sauzé, je suis Polo. Si, moi on m'a donné ce numéro-là apparemment là. Mon nom de famille c'est... Que tu viennes chanter là. Si tu peux venir, et quand est-ce que tu peux venir dans la discothèque là, parce que je vois faire le plein là. Mais je ne sais pas, je ne suis pas Monsieur Sauzé. Adrien de retour. Ouais, moi je veux savoir si toi, si il se doit aussi lui. Qui ça? Si toi, si il se doit. Je comprends pas ce que tu dis, Adrien. Je demande si toi, il se doit. Je comprends pas. C'est vrai? Ouais. Et là, tu comprends? Non, je comprends rien. Toff, de retour, ouais. Est-ce que tu te dois? Non, mais j'aimerais bien que toi, tu me mettes un petit doigt pendant que je travaille dessus. Putain, mais t'as un problème, t'es où là? Non, mais et si jamais tu reviens dans le studio, je te casse le micro sur la tête, sale chien va. Kylian, de retour. Ouais. Je t'écoute. Justin Bieber, faut qu'il parte des États-Unis. D'accord, super. Oussama. Est-ce que t'es déjà sorti avec une fille? Non, bah non, bien sûr que non, y'a que toi. Je me disais, c'était pas grave. Bah oui, t'es un beau gosse, toi. Toi, t'es le seul beau gosse au monde. Nous, on sort pas avec des filles, c'est pas possible. Oui, merci, mais je suis pas fait pour toi. D'accord. Karim, le Toulousain, le retour. Ouais, comment tu fais pour écouter ce parleuse là? Je sais pas. Le patron de boîte pour ouais, terminer. Alors est-ce que éventuellement tu peux venir dans mon club alors? Bah tout oui, monde bah t'attends, là, tous les fans sont là, ils veulent chanter la fête de la musique et Jean-Pierre une Wonderland. Alors comme j'ai enfin réussi à avoir ton numéro, Jean-Pierre, je veux savoir quand est-ce que tu peux venir. Écoute, je viens quand tu veux. Voilà, je okay, prends 500 super. Euros. Bon bah génial. Alors écoute, moi je te mets. Mais attention, frais, hein. Je chante deux musiques. Bah écoute, le super, patron. Je demanderai à monsieur la pute de venir aussi alors. Ok, on fait comme ça le patron de boîte, au revoir. Merci, salut. Ciao, et pour terminer, on va faire un petit tour, un dernier tour. Adrien. Ouais, je voulais savoir quelle était la nouvelle femme de François Hollande. Je comprends pas ce que tu dis. Je voulais savoir quelle était la nouvelle femme de François Hollande. Je comprends pas ce que tu dis. C'est vrai, c'est pas grave. Bon alors casse-toi d'ici. Kylian, pour terminer. Je peux passer mon numéro à taf? Non. Oussama. Est-ce que je peux chanter l'enculé avec toi? Ah, avec plaisir, ne quitte pas. Karim le Toulousain. Oh non, mais t'es sérieux là ou quoi? De quoi? Mais t'écoutes ta mère. Mais bien sûr, allez dégage. Et pour terminer, Toff. Ouais, bah Toff, donc Toff, réfléchis à ce que tu vas dire, espèce d'idiot. Bah on peut y aller quand alors? Tu vas aller où? Bah aller au bois quoi. Bah t'iras tout seul, d'accord Toff? Bah non, je veux que tu m'accompagnes. Allez, que... casse-toi Toff, ainsi se termine Polo contre le reste du monde. C'est une grande émission. Ces jours sont comptés d'ailleurs. Mais par la qualité des propos, oh vous avez remarqué. Et quelle qualité, je le confirme, en effet, ouais. Bon, on va faire le top tutos dans quelques minutes. On va également se retrouver demain et remercier tous les auditeurs qui ont participé à l'émission ce soir ou qui étaient simplement à l'écoute. Voilà, vous pouvez aussi, hein, vous n'êtes pas obligé d'envoyer tous vos messages. Vous pouvez simplement aussi écouter sans problème et avec plaisir sur le Twitter en tapant @Mickaël_officiel avec le petit tir en bas entre Mickaël et officiel. Sur le Facebook également, bien entendu. Et puis, bah, justement, le top tweetos, quel est le numéro 5? Alors, le numéro 5, Olifun. Numéro 4, Félicia. Numéro 3, Elliot. Numéro 2, Magda. Et numéro 1, Cédric. Cédric, il a déjà gagné Cédric, me semble-t-il. Oui, Magda aussi. Très bien. Elliot, je sais pas. Bon, ben on va prendre le mieux classé de ceux qui n'ont pas encore gagné. Leur sextoy offert par... Passage du désir.fr, évidemment. Voilà, bien entendu, comme chaque soir, évidemment. Bon, ben en tout cas, merci à vous d'avoir été là ce soir. Comme d'habitude, on se retrouve demain à partir de 23h, comme d'habitude, ouais. Sur Fun Radio de 23h à minuit et tous les dimanches de 20h à minuit sur... 23h à 2h et le dimanche de 20h à minuit. Ouais. Parce que 23h minuit serait quand même une horaire d'enculé quand même, hein, toute la semaine, t'imagines? C'est cool. T'arrives, oh, bien. Hop, t'arrives, hop, tu pars. Et bah c'est fini. Même pas le temps de faire un chéri, je peux me faire cocu, le truc c'est trop tard. 2-3 vannes dans la gueule de merde de Toff et puis on se barre. Bon allez, on se retrouve demain 23h sur Fun Radio. Bah pourquoi ça marche pas? Ça c'est JB. C'est JB, il a enlevé le générique. Ça c'est JB, qui fout la merde dans le truc, c'est un truc de ouf quoi. Je vais te donner. Ah mais c'est parfait. Tous les soirs, Fun Radio. 23h, 2h. No limit. No limit. Mickaël. Sur Fun Radio. Bon, et eh ben voilà JB maintenant qu'il a. Tu veux que je t'apprenne un peu comment ça marche, le matos? Le matos. Tu sais, moi par exemple, je me tape pas, je fais pas visiter la radio à des meufs moi. Oh, le bouffon! Ah, non, mais même plus! Je fais pas. Je suis JB, Jean-Baptiste, je viens, je vais te faire visiter la radio, et après je vais te casser les pattes à de la rayière. Hein, parce la que moi je sais, on t'a vu en bas de la radio avec une meuf! Non, mais. On t'a vu! Dis la vérité! Sandro, je suis très déçu. Dis la vérité. Non, non, mais attends, j'ai pas fait hésiter la radio. Dis la vérité. Il a juste baisé dans les chiottes. Jean-Baptiste, ne m'oblige pas de tirer l'oreille. Jean-Baptiste, est-ce que tu veux qu'on appelle en direct la sécurité pour demander les vidéos? Oui, si vous voulez. Je suis jamais. Hier, je suis pas passé à la radio, sinon on s'en serait vu. Pourquoi tu dis hier? Bah avant-hier alors. Hier. Non, c'était hier. Hier soir. Hier. Monsieur se pointe, donc on finit à minuit. Monsieur se pointe vers minuit et quart. qu'on était plus là. On l'a grillé en bas. Mais non, parce qu'on était en soirée pas loin. Ouais, c'est ça, ouais. Oh le bouffon. N'importe quoi, tu l'as emmené au cinéma. Qu'est-ce que tu racontes? Oh là, le au ciné, ouais, on a fait une soirée. Et après, il a été chez Pizza Pino. Il te laissait de la faire monter à la radio. Non. Oh là là, je te jure, tout ça pour se la taper dans le bureau du sous-chef. C'est pas vrai. Oh, bah, quelle horreur. Et sur ton bureau, Polo, j'en ai mis un peu partout. Il rigole, mais ça c'est jaune, par contre. Bon, JB qui va débarquer comme d'habitude. Hein. Oui, je sais, c'est dur, mais vous inquiétez pas, ça s'arrête à 6h. Ah, j'ai un texto. J'espère que... Elle était belle, la meuf, Sandra. Ouais, ah, non, elle était jolie. C'est quelqu'un d'autre. Ah, c'est l'autre meuf. Très bien, parfait. Bah, t'inquiète qui pas, ton tour. Ton tour arrivera aussi, peut-être. Allez savoir. Bon, on se retrouve demain, juste après Love in Fun, comme chaque soir à partir de 23h. Ne loupez pas l'arrivée tout à l'heure à partir de 6h de Bruno dans la radio, avec encore les MacBook Air à gagner, avec le remboursement des factures. Ils ont des Mac Chicken aussi, ou que des MacBook? Oh là là, et je vais t'éclater la tête avec le avec le clavier, ouais. Avec la clé d'ordi. Éclate-toi, Polo. Allez, on voit Simone la musique. On écoute quoi? On écoute Keisha. D'accord. Timber. Oh, j'aime bien ça aussi. Shakira, Ariana. Vous l'avez découvert sur Fun Radio.